Planète Rap, 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français sur Skyrock, juste après D-Fool. Ils sont là, ils sont arrivés. Comment ça va les gars? Ça va et toi, Fred? C'est les OR à découvrir ce soir dans la nocturne. Soudé, c'est le nom du projet qui est sorti, ça y est, on peut le trouver. Hein. Ouais, voilà. Ouais, disponible dans toutes les Fnac. Voilà. Allez le pécho, donc il est sorti lundi. Et ceux qui peuvent pas le pécho dans une Fnac, allez le commander sur notre site www.or-officiel et sur le site de la Fnac aussi. Bon, alors je sais que déjà que vous êtes devenu dans Planète Rap hein, il y a quelques semaines de cela. C'est ça. Je crois que vous repasserez aussi chez DJ Case hein, dimanche soir à pas louper. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le rail suprême et pour tous ceux qui vous découvrent aussi, parce que vous faites évidemment partie, alors toujours ce terme de relève, de nouveaux talents, enfin peu importe, vous faites évidemment partie de. Voilà, de cette nouvelle génération en tout cas dans le rap français. Petite présentation de OR. Donc voilà, bah nous on a un groupe de deux frères, 15 ans et 17 ans. On a commencé le rap il y a un an. Voilà tout quoi. Tout se passe bien. Tout se passe comme prévu. Vous avez entendu le parcours de Big Flo et Oli qui sont passés cette semaine aussi. Pareil, c'est les frangins qui prennent le contrôle en ce moment, les gars. C'est les frangins. Bah, y a pas mieux de faire les trucs en famille. Hein. D'avancer en famille. Raison. C'est ça. Voilà. D'où le nom de ce projet qui s'appelle Soudé. On va pouvoir découvrir ce soir. On va le passer en intégralité. Vous nous ferez du live aussi tout à l'heure dans la nocturne. On attaque ? Ok, Fred. Ça s'appelle Ma Bonne Étoile maintenant. OR dans la nocturne. Ma Bonne Étoile. Ma Bonne Étoile dispo sur YouTube. On clique. J'ai pas beaucoup d'emprise de choix. Je fais ce qu'on exige de moi. Guide-moi dans la vie vers une vie de roi. Avec toi pour toujours condamné. Ça réagit, c'est l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi. Ah, c'est ma complice et depuis tant d'années. Tu veux savoir quoi? T'auras pas mon histoire. T'auras pas mon véhicule. L'esprit que j'avais le soir. Oh ma bonne étoile, je n'ai pas le choix. Je me mets en marche, ma forme. Sous des dispo. Je pense à toi. Seul dans le lit, les yeux pointés sur le plafond. Je pense aux études et au moment. Avec le daron. Allez, on réagit sur Skyrock. Hashtag OR sur Skyrock. Comme d'habitude. Si je devais faire un souhait, comment vais-je choisir? Mettre la famille en bonne santé, l'éloigner du danger. Bon, je suis pas le meilleur. Je vais pas mentir, loin de là. Je suis toujours le même comme ma bonne vieille étoile. Elle me regarde et me parle de son homme. Je lui parle de rue et d'histoire de bonhomme. Je lui confie mes peurs qu'OR veut dire hors norme. Qu'on a besoin de personne pour briller. Soudé, on est là, on est là. Le jour se lève, il se fait l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi. C'est ma complice, c'est depuis tant d'années. Un grand merci à Game Changer pour ce voyage à la Réunion. Je t'en supplie, guide-moi. Je marche la tête haute, marche en avant, j'ai pas le choix. Et puis je sais que je suis le seul à décider de mes pas. Et puis je savais que t'avançais dans le silence, mais là. Ton étoile vient de filer. La mienne me suit de jour en jour. Mon destin n'est plus scellé. Mon étoile est une star. Mon étoile me suit. Elle me sert de repère quand je suis d'une plaire la nuit. Tu m'as suivi de près. Tu m'as souvent appelé en inconnu. Si tu savais, t'attends, je me suis retenu. Suis-moi, Tom Tom. J'suis perdu dans mes pensées. Des concerts au Dom Tom. Si seulement on m'en donnait. Elle me regarde et me parle de son homme. Je lui parle de rue et d'histoire de bonhomme. Je lui confie mes peurs qu'OR veut dire hors norme. Qu'on a besoin de personne. Pour briller, je suis de soi. Je fais ce qu'on exige de moi. Guide-moi dans la vie vers une vie de roi. Avec toi pour toujours condamné. Le jour se lève, il se fait l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi. Ah, c'est ma complice, c'est depuis tant d'années. Pas beaucoup d'emprise de joie. Je fais ce qu'on exige de moi. Le jour se lève, il se fait l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi. Oh, c'est ma complice depuis tant d'années. OR sur Skyrock. Ma bonne étoile. Dispose 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Les OR lâchent pas l'affaire. Comme d'habitude. Personne pourra nous faire taire. Non, non. C'est la guerre. Ouais. On est du feu. Les OR lâchent pas l'affaire. Personne pourra nous faire taire. Frères ou sœurs, restez un protecteur, même s'il faut faire la guerre. En cas de problème, on est soudés. On est soudés. Une embrouille bien relevée. En cas de bombier, on est soudés. On est soudés. On est soudés. Lâche pas ta soeur ou tes soeurs pour une personne qui vaut pas la peine. Qui vaut pas la peine de l'être proche, mais de s'oppose. M-E-N. Comme quoi c'est la guerre quand je commence à kicker. Couchez-vous par terre. Couchez-vous par terre. Que tu gagnes ou tu perds, ta mère ou ton père sont H24 derrière. Bien sûr qu'on peut. Plus facile lorsqu'on est deux. Faut être soudé et bien sûr céder. La route est longue, certes, y'a de la queue. Y'a aussi le respect des plus grands. Merci, certes, on a du cran. Mais t'étonne pas si d'ici deux ans tu verras nos têtes dans ton écran. Chargé à bloc et amputé un câble. Je peux le faire, tu sais que je suis capable. Pas de bagage en main, pas de cartable. Fier de mes origines, long de la classe ou l'aigle de Qatar. Et si c'est teuil teuil, et si c'est teuil teuil, faut que tu payes paye, faut que tu payes paye. Servi à l'œil l'œil, servi à l'œil l'œil. Les deux frères, les voleurs, lâche pas l'enfer. Personne pourra nous faire taire. Frère ou sœur, restez grand protecteur, même s'il faut faire la guerre. On est soudés, on est soudés, on est soudés. On est soudés, soudés, je rappe mes textes toute l'année. Y'a maman qui me disait, y'a Willy, y'en a assez. Gros, je vais pas dormir, j'ai mes balances à poser. Je suis le poids lourd dans ton équipe. Frérot, faut pas le nier. Après le buzz de qui t'a dit, on s'est rapproché. V'là les zig, v'là le public. Merci à tous, on vous a kiffé. Team OR, big up à vous. Plein de toute la famille. Je vois des amis qui deviennent des frères. Et des frères que je remercie. Je réfléchis, je me dis, peut-être que ça va aller mieux. Demande à toute l'équipe, toute la night, je creux. Fallait le dire avant. J'suis pas le genre de mec en avant. J'suis type qui a 14 ans. Laissez jamais passer devant. Shoot le. Lâche pas l'enfer, personne pourra nous faire taire. Frère ou sœur, restez grand protecteur, même s'il faut faire la guerre. 9, 5. Soudé dispo depuis le 20 avril. Allez le pécho dans toutes les FNAC de France. On est soudé. Y'a pas d'excuse. Allez roule Mima. À protéger. Accroche-toi même si c'est dur, il faut pas lâcher. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne nous a acheté. Les meilleurs sont pas à la lumière mais cachés. Tu t'es fait dépasser, le mental est d'acier. Accroche-toi même si c'est dur, il faut pas lâcher. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne nous a acheté. Les meilleurs sont pas à la lumière mais cachés. Tu t'es fait dépasser, le mental est d'acier. C'est le projet, d'ailleurs, qui s'appelle Soudé, qu'on découvre. Soudé, c'est ça, Fred. Avec les frangins d'OR qui sont là ce soir. Et une grosse fan base, on le disait, hein, OR sur Skyrock. Beaucoup de messages pour vous. Ça réagit. Voilà, les OR avec nous. Rappelez-nous aussi un petit peu ce parcours, ce qui vous a permis de signer et de sortir ce premier projet. Bah écoute, c'est bête. Déjà, c'est lui qui rappait en premier. C'est mon petit frère Osama. C'est lui qui a commencé à rapper et m'a engrainé dans son monde. Dans sa folie. Voilà, sa folie. Et voilà, on a voulu se mesurer un peu entre chacun et l'autre. Donc voilà, après, on a formé un petit groupe solo, nous deux. Voilà. Et depuis, on parcourt toute l'île de France avec notre grand frère, notre manager Elias. Vous faites des séances de dédicaces, hein. Il y en a eu cette semaine d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il y en a eu beaucoup, tous les jours. Il y en avait une aujourd'hui d'ailleurs, cet après-midi. Ouais, c'était à la Châtelet, à côté. Et grâce à notre frère Elias et notre cousin Hichem, on a eu la chance de pouvoir signer dans un label qui se nomme Game Changer. Mm-hmm. Avec les trois piliers, Pauline, Sofiane, Fianzoman et Screech. Voilà, on salue toute l'équipe justement. Voilà, un gros big up à eux. Et donc le projet est dans les bacs, ça y est, depuis quelques jours maintenant. C'est ça, depuis lundi. Depuis lundi, on peut le télécharger légalement. Hein, voilà. N'hésitez pas aussi et on continue à découvrir. On fera un live tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Et on repart sur un morceau, ça s'appelle Pour de vrai. Ouais, c'est pour de vrai. On fait les choses pour de vrai, nous. Ah. Il se part bien, les gars. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, Fred. Fred, OR sur Skyrock. On continue. Hashtag OR sur Skyrock. Comme d'habitude, pour de vrai. Ouais, ouais, ouais. On n'a même pas sorti de projet qui nous envie. OR ça, OR si, c'est ton avis. Ton buzz est éphémère, donc n'oublie pas les blondies. Soudé. Les meilleurs de notre génération, c'est ce que l'on dit. Contrairement à Louis XVI, j'ai gardé la tête sur les épaules. Je suis toujours le même, rien n'a changé, je ne joue pas de rôle. Personne te connaît, plein de gens vont t'aimer, tout le monde te connaît, moi j'en vont t'aimer. C'est la vérité qui parle. Sur Skyrock, y'a du chemin à faire. Qui dit le contraire que nos vies sont binaires. Ton flot t'es face sans tomber d'un conteneur. Si tu prends le haut, t'es obligé de prendre le R. C'est le principe du père. Si t'es pas content, c'est la même. Du moment que ça passe crème. OR à l'antenne. Et tiens la cage jour ça bête. Écoute les écoutes de Panama. Une seule chose, n'oublie pas les remparts. Et puis tant pis si les sous ça rentre pas. On prépare un truc auquel ils s'attendent pas. La fierté de ses parents, ainsi ça ne tente pas. Chiqui papa, on veut pas de pitié. À des moments de ma vie, mon cœur a palpité. Y'a que Johnny qui a pu se faire à l'idée. Bien sûr que nous nous sommes aidés. On n'a pas l'âge pour grand chose, je sais. Les gars là, je crois que ça va le faire pour de vrai. Tous en avant, personne en retrait. Refraîche à la qu'on finisse tous refaits. Faut charbonner les frères de sang à la télé. Allô le buzz, je vais faire tour de la terre. Que des commères, comment y faire quand la rue prend le dessus dans la tête du frère. J'ai avancé, j'enterrai l'âge de guerre, l'âge de perdre, la peur de perdre. Comment péter millions, tout est éphémère. Imagine OR, bim, bim, bam, bam. Chaque sens du plouf, l'on n'a pas bougé. Frère de sang dans le sang, chez ta kiffé. T'es dans tous les écrans, t'es dans tous les FB. L'ironie et toi tu vas remballer. Tout le monde le sait que t'as pris la grosse tête. Reste poli, monte et qualité. Reste derrière, ils vont te féliciter. Avance un peu, ils vont te décourager. Liquide-les, liquide-les, liquide-les. En freestyle, je dois être le premier. Gros c'est pas bon, je vais retaffer, retaffer. Gros sur le ring, tu es au taquet. Le blanc VS la mala, c'est le type qui vient vous rafaler. Un million de vues, par-ci par-là. Ça fait tellement longtemps que j'attendais. Que j'attendais. Le succès est éphémère. Et d'un jour ou l'autre peut s'arrêter. Jusqu'à preuve du contraire. No pain, no gain, et la paix. On n'a pas l'âge pour grand chose, je sais. Sur Skyrock, poteau. Soudé. Tous en avant, personne en retrait. Votre fête à la qu'on finisse. Tous refaits, refaits. Laisse le minot, pas la peine de t'emmêler. Faut charbonner les frères de sang à la télé. Laisse le minot, pas la peine de t'emmêler. Faut charbonner les frères de sang à la télé. On remercie tout le monde, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont cru en nous. Voilà, notre quartier, Rolls Royce, Romain Roland, Amiro, Walid Tabish, tout le monde, dans les studios. Mon frère Wassim qui est malade. Fianso rap, 100% rap français. Ah. Qui t'a dit OR. La base des bases. OR. OR. OR. On est pour commencer si tu ne connais pas mon blazer. Je suis un phénomène de mode, un peu comme tes blazers. Tu fais le malin, c'est fini en un coup taser. Nique mon teaser au lieu de coller mon rétroviseur. Qui t'a dit que les OR ne savaient pas rapper? Tous ceux qui braillent, mais allez, je laisse passer. Trois ans plus tard, ils courront acheter mon CD. Céder ma place à ça jamais. Normal qu'on porte vu tous les Illuminati. Mais qui t'a dit détrôner les Benadi, made in Paris. Oh, vite avec les Qataris, je vais faire du sale, t'inquiète, c'est promis. Ça, je te l'avais déjà dit. Je crains toutes les proies tellement que j'ai la dalle. À peine arrivé, tu sens que je faire mal. Ton son est propre, mais moi je fais du sale. Je rentre dans les parages, donc tu deviens tout pâle. Je suis un douilleur, je la colle plein de balles. Viens me jouer si tu n'as pas de pare-balles. C'est pas des rimes qui sont. tout c'est juste un petit tas de balles. Parler sur mon dos, comme qui t'a dit, qui t'a dit. Tout droit sorti d'Argenteuil, Valor City. Retournez passer le micro au tout petit, au tout petit. Au B-A-D-I. J'espère que t'as compris. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit. T'es trop zéro, qui t'a dit, qui t'a dit. Les petits d'Astri qui ne rappent pas, ne pas parler quand on ne sait pas. Tu parles sur nous quand on n'est pas là. Quand on arrive, tu vas checker. En 2D, j'ai qu'à kiffer. Dans le peu rare, on va s'imposer. Mettez-vous sur le côté, je vais vous montrer comment braquer. Les critiques, je les connais. Les rendre fous, je te promets. Je vais pas te le dire cette fois, je veux juste atteindre le sommet. T'as dit de parler sur moi, même si toi tu me connais pas. J'ai 13 ans, je te fous la raga. Et t'as cru que t'étais sur glas. Trop de gens viennent me voir, me racontent n'importe quoi. Tu me parles de lui, c'est sa vie, faut s'occuper un peu de soi. Et ouais, je te critique, ce n'est pas de la polémique. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas un hypocrite. Parle pas derrière mon dos, car s'il trouve plein de couteaux, je calcule plus trop mes ennemis. J'avance qu'avec les vrais poteaux. Dans le rap, je suis un terroriste. Mes couplets vous terrorisent. Vos musiques s'affaiblissent, donc ma mission, je l'accomplis. Parlez sur mon dos. Plus tard, tu t'en rendras vite compte. T'en pas pour rien dire si on connaît même pas. Ouais, jaloux, t'en vite, sur nous, Henri, Obé, t'aimes ça. N'écoute pas les gens et ce qu'ils te racontent. Tu verras plus tard, tu t'en rendras vite compte. T'en pas pour rien dire si on connaît même pas. Jaloux, t'en vite, sur nous, Henri, Obé, t'aimes ça. Hey, coupe ça là. OR, avec nous. Ce soir, ouais, dans la nocturne, 100% rap français. Ils sont là, les OR, pendant quelques minutes encore. Il y aura un live dans quelques minutes. Ça réagit. Ça réagit, beaucoup de messages. Où est-ce qu'on peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les gars, vos adresses, vos différentes adresses? Ouais, bah sur Insta, c'est OR Frère 200. Sur Twitter, c'est OR-frère200. Mmh. Sur Facebook, c'est OR officiel. Donc le mien, c'est Instagram, c'est Ousnef500. Facebook, Oussema Benadi. Et Twitter, où c'est ma Benadi. Voilà, moi c'est Ryan Ben, sur Facebook, Ryan Ben 95 sur Twitter et Insta. Eh bah très bien, allez suivre OR, c'est voilà. Eux avec Soudé, le projet qui est déjà dans les bacs. Ouais. Bah on le disait tout à l'heure, toi t'as suivi ton petit frère qui t'entraînait dans le rap, mais c'est quoi vous les influences rap? Qu'est-ce que vous avez beaucoup écouté en rap français par en exemple, rap français, ou rap africain? Rap français, c'était plutôt du psychiatre de la rime, mmh. T'as eu, moi, Sniper. Les grands groupes français, ouais, qui ont marqué l'histoire du rap français. Et voilà, sinon aux États-Unis, les 50 Cent, tout ça. Voilà, les gros. Voilà ceux qui étaient tendance au moment. Et pour toi? Moi, j'aime bien le milieu comme l'artiste Jul et tout ça là. Artiste Jul et puis voilà. Tous les autres. OR maintenant à découvrir ce soir dans la nocturne 100% rap français. On mettra parce qu'il y a un freestyle qui est arrivé aussi aujourd'hui, hein, qui a été balancé. C'est un freestyle légendaire que vous avez apporté. On finira avec tout à l'heure l'émission. Ok. Et là, on repart sur le projet, si elle savait. Ok, y a pas de souci. Solo Drian, il a fait un bon taf. Il voulait plus de moi, donc il m'a mis. Tu sais, les rappeurs, ils ont tous un côté sentimental. Hein. Bah ouais. Faut dire la vérité. Hein. La preuve. Voilà. Si elle savait, c'est son projet OR Soudé, on le découvre ce soir. C'est ça. Sur Skyrock. Ouais, je sais, j'ai que 17 piges. Dans un an, je suis majeur. J'aurai bientôt son âge. Mais pas encore ses valeurs. C'est une meuf qui se respecte. Pas une de ses traînées. Pas une meuf qui tape des têtes. Voilà, crois-moi, c'est René. Dis-moi pourquoi ça folait. Guette-moi, c'est mollet. Un avion chasse une frappe, man. Regarde étonné. Dis-moi qui peut la tête, cousin. Machallah, la beauté féminine. T'es bête ou quoi? Ce n'est pas une meuf en bite. Mais pas mal sur les routes, paname. La balle à poser. Madame égale, alors passe le salam. Entre nous, y'a pas d'état d'âme. Puis si ça peut pas le faire, tranquille, y'a pas de galère. Chez moi rien n'est perdu, je lui passerai mon grand frère. Que j'étais sur ses côtes. C'est bon, c'est décidé. Si elle est personne d'autre. Si elle savait, si elle savait. Si elle savait, qui pourrais-je plus que des mots. passe Narvalo, ça y est, c'est fait. C'est bon, je l'ai serré. Dip Zartek, je suis refait. Elle m'a dit la vérité qu'elle attendait que je vais lui parler. Apparemment, je lui plaisais, donc maintenant dis-moi qu'a gagné. On n'a même pas démarré que le bras de fer a déjà commencé. On s'est lancé, qu'est-ce que t'en sais? Dans le futur, on sera fiancé. Le plus dur reste à venir, ça sera de ne pas la perdre. Elle me dit que j'ai trop de buzz, mais elle sait pas qu'elle fait l'affaire. Fais l'affaire, faut la faire, mais chérie, tu parles trop. Pour une photo dédicace, tu rages trop. Ton plat préféré, c'est pas ton pesto. T'as gagné un grec, la carte, ton resto. Si allez, roule, mime. Que j'étais sur ses côtes. C'est bon, c'est décidé. Si elle est personne d'autre. Si elle savait, si elle savait. Si elle savait qu'il fallait agir, prise, commander le pays. C'était qu'un rêve, il s'est rien passé de tout ça. Là je suis dégoûté, voilà qu'il manquait plus que ça. Et puis si ça peut pas le faire, tranquille y'a pas de galère. Chez moi rien n'est perdu, je lui passerai si mon grand frère. Si savait que j'étais sur ses côtes. C'est bon, c'est décidé. Si elle est personne d'autre. Si elle savait, si elle savait. Planète Rap, 100% rap français. Ah mais ça, ah mais ça c'est le celui-là qu'on a fait au Planète Rap de Ritza. Yes. Yes, on a tout retourné. Et le clip est dispo aussi, yeah. Non, non, pas encore. Yeah. Pas encore, il arrive. Ouais. La route est longue, pas de marche arrière. Yeah. Yeah. Tous les jours j'improvise mon frère, pas de plan de carrière. Yeah. Yeah. Gucci, Louis, Grossas et gros fer. La chance m'a appelé, je lui ai passé mon standard. Bip, bip, je suis absent. C'est moi et lui, je verserai absent. Comme bien sous, on veut du genre art. Le rap, il me harce, ceci est de l'art. Un chef d'œuvre que toute la France entend. On fait notre route. On fait notre route. On avance avec GC sans aucun doute. En espérant remplir la caisse. J'ai un côté dealer, j'accélère sans cesse. Persévère, persévère, même en temps de hesse. On rêve de grosses caisses, de Panamera S. Avoir une belle baraque et les darons à la messe. Tes parents, pour moi t'es obligé de passer pour la gueule. Sois garant, mais quand tu l'as, t'es bien assuré. Rassuré dans le rang, ta faux finale sera méritée. Pour le moment c'est bien marrant, et vous y aura des RIP. Pas temps de ralentir, mi matin tant comme est la deuxième. T'es soi-disant rappeur, archème, passe au deuxième. Rétête, ouvre ta bouche, dans un freestyle, personne ne bouge. Yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Tous les jours j'improvise mon frère, pas de plan de carrière. Gucci, Louis V, grosse classe et gros fer. Tout le monde à terre, tout le monde se couche au sol. La route est longue, tu fais qu'entamer. Je recule plus, je peux plus freiner. Punch flow, rap text toute l'année. Où tu en es, frère de sang, t'as marqué? J'encaisse, j'avance, je lâche pas jusqu'au bout. J'écris, je mets sur le tech, des terres en cours. Parle pas chinois, ne fais pas des détours. Qui a dit qu'à la sup, y'avait qu'à tout. Rouge, rap lourd, sur cette prod, y'a rien. Le flow varie, c'est la technique, y'a rien. Dans les millions, calme pour le buzz, y'a rien. La route est longue, je le sais, y'a du chemin. Pour y arriver, c'est long. Ça prend du temps. Mais la zik à fond, fond. Qu'on s'en jaille pour un moment. Gros, accélère, t'as du retard. Je veux percer, mais qu'il soit pas trop tard. Apparemment connu, mais je te vois nulle part. Le flow, je le canalise, ouais, je suis à part. La route est longue, j'ai pas dit le contraire. T'as pas fait de car, ça serait mieux de te taire. J'attends les gros concerts, pour le moment, je t'affiche sur terre. C'est pas du jour au lendemain que je serai du père. Yeah, yeah, yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Yeah, yeah. Tous les jours, j'improvise mon frère, pas de plan car. Yeah, yeah. Gucci, Louis V, grosse classe et gros fer. Tout le monde à terre, tout le monde se couche au sol, c'est gros. En attendant soudé, juste en attendant soudé. La Nocturne avec OR au contrôle de la Nocturne, ouais, ouais, ouais. Pendant quelques minutes encore. Les frangins, notre route. Ouais, je disais clip, je pensais qu'il est arrivé, mais non, non, c'est Freestyle Légendaire 2 qui est sorti aujourd'hui. Ouais, ça s'est sorti aujourd'hui, mais sinon il y a des images qu'on peut mater aussi ouais, de vous. Ouais. Des images que j'ai vues à La Réunion, oui. Moi, les gars. C'est notamment Ensemble et Ma Bonne Étoile qui a été tournée à La Réunion. Et ben voilà, on peut aller cliquer OR et vous retrouver ces images de OR. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, messieurs? On est prêts. Chaud? Le chaud, ouais. Chaud bouillant. Ensemble, dispo sur iTunes. Yo yo yo, OR, OR sur Skyrock, on réagit. Yo yo yo. Si t'es mon pote, prends pas la tête. Dis-moi ce qui est bon jusqu'au bout de ma tête. Jusqu'à la fin du chemin, pour ça je connais pas le frein. Solidaire, mais ça va le faire. Retour sur la terre, ferme, souvenir enfermé. Look le city, on l'a tellement esquinté. L'enfant sur terre, ferme, prochain pied au lycée. On a grandi depuis l'époque des ficelles. Jamais faire de coups sales entre nous. Jamais de gros problèmes entre nous. Tu me suivras, je te suivrai jusqu'au bout. On a notre chic officiel seulement à nous. Mon pote, mon sens, mon ami. L'ennemi de mon ami sera sûrement mon ennemi. Mal aimé, bien aimé, mon xénon pendant la nuit. Devant ce que la vie t'apporte, connectant en cas d'ennui. J'explique, on y arrivera ensemble. On donne tout ce qu'on a. C'est ce qui fait qu'on se ressemble. À deux pour le prier. Et jumeaux comme deux billets. Et mon frérot, faut briller. Si t'es mon pote, sois toujours là. Dans le succès, dans la lergue. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que je fais. Marche avec moi, sois endurant, lâche pas. Prends la tête, te dis arrête. Te remets dans le droit chemin, très souvent cassette. Réponds en deux spies, connu de la mif. Un parti au débarré, t'es juste mon ami. Tu parles mal de son pote en son absence. Il supporte pas, donc automatiquement il va prendre sa défense. Et puis je jure que sur ma route, je veux quelqu'un qui m'aide et qu'on s'entraide. Je ne veux pas finir par crier à l'aide. J'explique, on y arrivera ensemble. On donne tout ce qu'on a, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. À deux pour le crier, du mot comme deux billets. Et mon frérot pour briller, on finit ensemble. Finis ensemble, mon frérot, je t'explique, on y arrivera ensemble. On donne tout ce qu'on a, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. À deux pour le crier, et jumeaux comme deux biais. Et mon frérot, faut briller, et finis ensemble. Ouais. Ensemble. La nocturne avec OR, et c'est un morceau que vous retrouvez aussi sur le projet d'OR. Ah, c'est ça, est disponible aussi sur YouTube et bah, sur iTunes. Allez faire un tour. Merci d'être passé par la nocturne, les gars. De rien. Je te remercie. Bon, bah, on vous attend pour la suite. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? C'est quoi là? Donc, alors, je sais que vous revenez dimanche aussi. Ouais, pour DJ Kaïs. Ouais, vous avez posé aussi sur son projet, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour Paris ou en New York. Et sinon, alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de studios? Ouais, beaucoup... là, ça va reprendre. On va commencer à taffer sur l'album. Voilà, on peut dire. Là, on va enchaîner sur un premier album. Et là, on va commencer à clipper quelques extraits de l'EP Soudé. De l'EP Soudé, il y aura d'autres clips, donc ils vont arriver prochainement. Et pour vous suivre, on le disait, les réseaux sociaux avec beaucoup de messages OR sur Skyrock. Merci d'être passé pour cette première partie nocturne. Je te remercie, Fred. On finit avec ce freestyle légendaire qui est dispo, là. Ouais, il est dispo aujourd'hui. Il est dispo, on voit bien que ça prend. Donc voilà, ça prend beaucoup, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est une petite série de freestyle qu'on a nommé freestyle légendaire. Vous les sortez tous les combien à peu près? Je sais pas. En fait, c'est. Il n'y a pas de date. Voilà, c'est pour rappeler qu'on rappe aussi, qu'on fait du vrai rap. Et voilà, ça a été filmé par les soins de Daylight. L'équipe de Screech, Sakumba, Sony, tout ça. Et bah allez cliquer, allez découvrir OR, ils étaient là avec nous pour ce premier début de nocturne avant de retrouver dans un instant Alibi Montana. Merci à vous les gars. Ouais, merci. Yo freestyle légendaire. Oh là, dans ce freestyle, y'a que du blanc. Freestyle légendaire, volume 2. On est deux sur ce son, ouais, on est deux. On est deux. Wouh. Roula, vieille. Roula. Dans son temps, t'entends quoi, roule la vieille? Quoi, roule la vieille? Hey, sous ding. Mamie ma, je suis plus fort que la veille. Et puis quand j'opère ça devient ding ding, ding, ding. Travaille de tout part donc bang bang, ding, ding. Ah cette affaire amène mon gang gang gang. Wesh remarque ne m'a rien t'éteint. J'crois que t'as pas compris poto. Travaille en trottinette, qu'est-ce que tu parles de moto. Moto moto moto t'es inintéressant. Avant que je fasse personne te regarde automoto. Anacania Ole zone à la zip. Day day city. Halmat, Select, le 20 avril, le jour de la sortie. Et j'ai plus tard d'attendre, j'ai mis la nitro dans mes patins. Calme debout, mais tu te lèves vers demain matin. Y'a comme un souci, tu me connais ce coup-ci. Tu joues pas le dimanche, vois ça avec souci. Casse le tibia et ton père rené. Potion magique et ton père rené. Ah, tu fais les bêtises, tu t'es fait taper. Au final, t'as eu ta mère rené. Sors du grec en payant. Et moi j'arrive en ayant. Un gros gars, moi, son compagnie du manager. La vérité en me payant. Mima, roule, Mima, roule, Mima et roule la vieille. Roule, Mima, roule, Mima, roule, Mima et roule la vieille. Passe à la pompe, Mima, mets le plein, plein. Parce que avec nous, ça va rouler. Même si t'as le corps d'un Philippin, Philippin. Propre ou pas propre, Mima, tu vas rouler. Je suis plus fort que la veille, fort que la veille. Et ouais mon pote, puis j'entends ma jeune qui sort de cette époque. Vitesse d'un coyote, ça devient hot. Oyez, oyez mes chers compatriotes. 9, 5 Romain Roland R, R. La dernière va tu vas zeng zeng. Ramène ton frère ou ton zeng zeng. Démarre le RM, crin crin. Bouteille grenadine, crin crin crin. C'est l'embrouillage, je suis de retour l'amiral. Plus fort que la veille, même un match amical. Et de pigeon dans la lucarne, dans la lucarne. Pour mes blancs, mes renois et mes ralbis. C'est ce bolté dans le pain du matin à midi. C'est ça, ça s'arrache, coup de voix au city. On dit pas place en gros big up à la mif. Pas stressé, ça frappe dur. Pour ce son, t'as 4 jours. Que du blard à mal à pur. J'ai fait toute la zup en 4 jours. La mal à fort, des coffres en fort. Pur mythomane, c'est fort à corps. C'est fort à corps, super à corps. Maintenant t'es encore, c'est fort à corps. C'est fort à corps, ça fait un 16. Tu te sens frais pour toi, c'est ton record. C'est ton record, c'est ton freestyle légendaire. T'en demandes encore. Roule la vieille, si tu fais frauder la bavette. Roule la vieille, vas-y. Du blard, de la malade, tec, tec. Roule la vieille, soudé, soudé. À ta grande pointe, marquant tête. Roule la vieille, soudé, soudé. C'est un manche, je suis plus fort que la veille. Passe à la bombe, Mima, mets le plein, mets le plein. Parce que avec nous, ça va rouler. T'as le corps d'un Philippin, Philippin. Propre ou pas propre, Mima, tu vas rouler. Yeah. Ouais. Propre tes garçons, t'attends quoi, roule la vieille. Quoi, roule la vieille. Hein. Mima, Mima, je suis plus fort que la veille. Fort que la neige. Et ouais, mon pote, au plus j'entends ma chaîne qui sort de cette époque. Vitesse d'un coyote, ça devient hot. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. Mes chers compatriotes. 9, 5. Bang. Ouvert sur Skyrock. Merci Fred. Merci à toi. C'est à vous les gars. Ouais. Style légendaire dispo sur YouTube. Pa pa pao. Pa pa pao. Prod by Zerouki. Beatmaker de 16 ans. On partage. Roule, roule, roule, roule la vieille. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Allez, c'est reparti pour le son de La Nocturne. Et monsieur Alibi Montana est là. Si, si, ça le ferait, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit bout, ça me fait plaisir de te voir. Et bah pareil, à l'approche des, bah, des beaux jours de l'été. À l'approche des beaux jours de l'été. Attends, ici, on en profite bien là, hein, ça va pas. Voilà. Jusqu'ici, bon, le week-end va être pourri. On va donc profiter du son d'Alibi pendant un peu plus d'une heure dans la Nocturne. 100% rap français. T'es venu pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe autour de toi. Ouais, si je suis venu pour parler par rapport à eux pour PCZ. Donc ils devaient être en précommande normalement hier soir. Que t'as, oui, que t'as annoncé depuis déjà plusieurs mois maintenant. Voilà. Mais bon, c'est on recule pour mieux sauter parce que j'écoute souvent le petit frangin. Et Alino, il m'a dit on est en retard sur les clips, donc on recule. Et il m'a dit bon, de toute façon c'est un EP, autant le faire quand même bien, même si c'est un EP. Et donc on recule pour pouvoir tourner des clips, et aussi parce qu'il il a été récupéré des nouvelles instruments en Hollande, et il m'a amené des nouveaux morceaux enregistrés. Donc ce qui fait que le EP il aura plus de titres que prévu, et il sera en précommande un peu plus tard. Mais les gens ils peuvent déjà pécho sur iTunes trois titres de du EP que j'ai ramené ce soir, qu'on va jouer, qu'on va découvrir, et, ouais, qu'on va découvrir. Et puis les classiques, tous les gens avec qui j'ai pu collaborer, il y en a beaucoup, et passer du bon son avec toi, Fred. Et ben on va revenir un peu en effet sur cette carrière qui commence à compter, hein, Libby, hein. Exactement, Fred. Et les gens, je leur rappelle, hein, ils peuvent envoyer des messages sur Twitter @AlibiMontana1, Instagram AlibiMontana1 et Facebook AlibiMontana et officiel. AlibiMontana au contrôle de la nocturne. Coup d'envoi, on y va. On est parti, envoyez-nous les messages à Skyrock. Sur Crise des banlieues. Exactement. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis. Malaise profond, ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. La Courneuve, Aulnay, Clichy, Vitry, Sarcelles, Saint-Denis, Montfermeil, Mantes-la-Jolie. 10-10-2005, malaise profond, ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. Les quartiers, réveillez-vous. Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy. Allez, de Montana pour vous ce soir. À Montreuil, Argenteuil, passant par ceci, bon oeil. Sarko, la jeunesse qui font malheur et son deuil. Ouais. De la carte de la mer, des débris. Dans les rues de Bondy, Astin, on soutient la colère, on la maintient. Le Havre est énervé grave, rien à foutre de la police. Cette fois, on laissera pas tourner la page. Clermont-Ferrand, Bordeaux, cocktail dans les sacs à dos. On a vu ce qui s'est passé, ils nous font aucun cadeau. Bervilliers et puis les Villiers, ouais. On a la rage contre de Villepin, de Villiers. Ce qu'ils pensent, on l'a deviné, okay. Roubaix, Limoges, c'est le ghetto qu'on limoge. Viens Saint-Nazaire, les gamins n'aiment pas le sucre d'orge. Révolté, si je mens, elle va faire un tour au Mans. Passe par Angers, tu verras les chiens enragés. À Lens, Saint-Etienne, et les tours, y'a les sirènes. Et comme en bas de mon hall, les parents ont la migraine. 10-10-2005, malaise profond. Ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. La Courneuve, Aulnay, Clichy. Rien n'a changé, mais on est toujours là, tous les quartiers de France. 10-10-2005, malaise profond. Ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. Île-de-France, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy, Nantes, Montpellier, Dijon, Lyon. Le grand bazar à Dunkerque, à Quimper, gendarmerie, képi, et oui les deux font la paire, ouais. Boulogne, Colombe, Agnières, normalement mon ami ça suit son mystère. Jusqu'à Brie contre Robert, okay. Gonesse, Trini, Chat, t'es mal à l'abri. Petit Condé, Jupan, héros, mets-toi à l'abri. Tunis, Le Bourget, Sultaneuse, Montmélie. Tout le monde se les mêlé, tu t'as mal lu, mec, relis, ouais. Bagnolet, relis sous bois, on t'envoie un convoi, cagoulé, topper blanc, black, un doux chinois. Amo, Amelin, passant par les Formoisins. Les 4000 explosent, soir les gueules, les putains roses. À Méru, à Tremblay, à Beauvais, on est mauvais. C'était l'action, y'avait pas le temps pour tous ceux qui l'ovaient. Pierrefitte, Sartrouville, on met le feu à la ville. Ils veulent niquer la jeunesse, donc on va devenir hostile. 10-10-2005, malaise profond. Ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. La Courneuve, et tous les quartiers, on est là ce soir. Tous les mecs derrière les barreaux, on est là ce soir. Tous ceux qui sont dans les voitures, on est là ce soir. Allez, bien Montana, au contrôle, avec Fred, t'as ma parole. Nantes, Montpellier, Dijon, Lyon, Chanteloup, on sort les dents de loup. Damary, Lélis, les loups. Pas le même département, mais toujours nous. La carte de voix de la France entière. Vergy, Montigny, Sanois, tu vois partout, y'a des frères. 13ème, 18ème, 19ème, Saint-Ouen, Clignancourt. Les keufs arrivent, mais y'a personne qui court. Orly, Choisy, Rennes, le Rhinzy. On est déterminés, la République sera servie. Thionville, Aix, Béziers, Metz. On a tout compris, l'État ne peut plus nous la mettre, okay. Alfortville, Créteil, Villeneuve, la Garenne, Villejuif, Malakoff, Plomédil, c'est pareil. Faux, Envelin, Villepin, t'es Dunkerque. Je peux compter sur tous les mecs pour dire à l'État ferme ton bec, ouais. Grenoble, Orléans, Île Belleville et Rouen. Trop de soldats, j'aimerais tous les citer, mais y'a trop de gens. 10-10-2005, malaise profond, ils ont cause de l'intégration. Et c'est l'hymne des quartiers ça. Courneuve, Aulnay, Clichy, Vitry, Sarcelles, Saint-Denis, Montfermeil, Crise des banlieues. 10-10-2005, malaise profond, ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. Île-de-France, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy, Nantes, Montpellier, Dijon, Lyon. 10-10-2005, malaise profond. Et tous les quartiers sur mon Twitter, @AlibiMontana1. La Courneuve, Aulnay, envoyez les messages. Vitry, Sarcelles, Saint-Denis. Et ici même ce soir à Sky. 10-10-2005, malaise profond, ils ont cause de l'intégration par les enfants de la nation. Île-de-France, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy, Nantes, Montpellier, Dijon, Lyon. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Si je pouvais changer ma carrière pour que les miens viennent à la vie, je serais le pire des inconnus avec une totale. C'est avec Kerry James, ça. Big up le 9-4. Non cicatrisé, 9-4, 9-3. Tant de vie gâchée, ma soeur, tant de vie brisée. À ma parole, beaucoup d'amis fréquentés sur le pont des collèges sont partis à des âges, merde, ouais, beaucoup trop lèche. Beaucoup trop d'armes, de larmes, de drames. Excusez-moi, messieurs, dames, si je fracasse mon phonogramme. Putain, la mémoire au fond, c'est tout ce qu'on a. Avec un flingue dans la poche, on se croit tous se marre. Ouais. Impossible d'oublier tous ceux qui crèvent. Nos quartiers sont malins, tu crois qu'on est avec la fièvre. C'est ça. Oui, nous connaissons nos peines de A à Z. Toute la situation, dis-moi vraiment, mais qui nous aide? Théo, Abdelak, Moustapha, Boukid. Parti, mais toujours présent dans mon cœur. On pleure, mes soldats, soldats. On jure sur nos têtes pour toujours honorer, respecter nos soldats. Monsieur Kerry James, avec moi-même. En guerre contre nous-mêmes, mais en temps de paix, on meurt comme des soldats. RIP à tous nos soldats. Pour soi que Dieu bénisse nos bois et qu'ils vont tomber en soldats, soldats. La mort s'approche, my nigga. On a peu de temps, my nigga. Plus proche à chaque respiration, jusqu'à l'inspiration, après laquelle plus d'expiration. Tous condamnés à être un souvenir, la vie n'a qu'une seule destination dans son navire. Regarde la mort brûler nos désirs, anéantir nos projets, mettre un terme à saisir l'instant. Car les secondes disparaissent, s'accumulent en minutes, puis en heures, puis en jours, puis en mois, puis en années. Quand vient le moment de s'en aller, flatline, même si tu cries, si je savais où il fallait. Moi je pleure sur mes potes, et j'ai la couleur de la récolte. Gangsters, thugs for life, L-A-S, M-A-D, thug for die. Parti mais toujours présent dans mon cœur, on pleure mes soldats. RIP à tous nos soldats. Sur nos têtes, nous toujours honorer, respecter nos soldats. Tous ceux qui ont perdu des proches. En guerre contre nous-mêmes, même en temps de paix, on meurt comme des soldats. Soldats. On embrasse le sol, que Dieu bénisse nos bois et qui sont tombés en soldats. Soldats. Parti mais toujours présent dans mon cœur, on pleure mes soldats. Soldats. On jure sur nos têtes, nous toujours honorer, respecter nos soldats. Soldats, en guerre contre nous-mêmes, même en temps de paix, on meurt comme des soldats. Soldats, on embrasse le sol, que Dieu bénisse nos bois et qu'ils vont tomber en soldats. Soldats, Fayad, Kamel, Sébastien, Saint-Germain, E.E.M. Vaillant. Soldats, Slimane, Senna, Samuel, Kossi, Patrice, Vaillant. Soldats. RIP, que tous nos proches reposent en paix. Planète rap. 100% rap français. Wesh Alibi, wesh la famille. Rien que ça part. Tain, c'est pour faire de temps. T'inquiète. Ne confonds pas, ne nous mets pas dans le même panier. Qui rira bien, rira le dernier. C'est qu'un fils de pute, tu peux pas nier. Même les journalistes sont pas épargnés. T'as beau sucer, celui qui a appelé qu'on allait pas nier. Bon, remets tout le monde d'accord. J'ai crevé le ballon. Et ça veut trop ça. Sodomiser ton sport. Lave-toi la bouche quand tu parles du boss. L'intelligence du gun, vocabulaire, la bastos. ROH de Zef, la compluche. Des preluches, tellement ça part de moi, je trébuche. J'renverse mon verre, préparé pour tête à tête. De quoi faire la guerre, tout ce qui manque. Les chars, les hélicoptères, nique sa mère, le physio, on rentre à 17. Mon pote calibre, moi, mes 15 balles, tu respectes. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlé par les keufs, trouve le moyen, pas les mois. C'est trop de flow, trop de rage, de quoi faire, pas les mois. Personnalité en bien, en mal, on parle de moi. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlé par les keufs, trouve le moyen, pas les mois. C'est trop de flow, trop de rage, de quoi faire, pas les mois. Personnalité en bien, en mal, on parle de moi. De moi, trop de blabla, je te fais la racla. Blabla, des fourrages. taille dans le cadre. Rap fait parler, jaser, mon rap fait certains baver. Mon rap fait sous-foncer, même les fans de Bob Marley. Les traumatismes, les radios, indépendants jusqu'au couille. Putain, le rap français, allez vivre dans la trouille. Hâte de jacter, va te faire injecter, je vais te faire éjecter. Avant la musique, c'est mon brolet qui m'a fait respecter. C'est lourd, mais tu es un folant, allez bureau en faux volant. On les écoute parler, on les écrase même en rigolant. C'est chaud, j'ai un flow qui la même est profonde. Nanana c'est bon, ferme ta gueule gros bouffon. 1260 jours. Comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlez pas les keufs, trouve le moyen, parlez-moi. C'était avec Rolf, ça, tu te rappelles? De quoi faire parler-moi? Trop de personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. Tous ceux qui ont pas écouté l'album, tapez Alibi Montana 1260 jours. Avec R.O.H.2F. De quoi faire parler-moi? Aïe! Personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. N'est pas la haine que j'ai mange, tellement frais que je deviens gênant. Tellement authentique, je dis vrai, même quand je mens. Tu comptes, c'est qu'on raconte pas de la suite, c'est con, baisse pas notre pute, c'est quand. De toute façon, t'insultes, je suis dans les sujets de conversation, des petits et des adultes, des étudiants, des incultes, des meufs bien et des grosses putes. Trop longues de putes, beaucoup sont fait froid, c'est à repasser. Pas contre d'un mot, d'un point, d'une virgule mal placée. Pour ceux qui connaissent rien, qui parlent comme une pute qui se fait baiser. Au micro, je fais mon taf, je t'emmerde si tu veux garder. Tu m'oublies pas, parce que moi, je tire dans le tas. Avec un mic ou un flingue, je m'en fous, c'est le même résultat. J'ai remis les bouffons à leur place, les salopes sur le trottoir. C'est fini la fête, dis ton gros bâtard que c'est trop tard. Tu m'oublies pas parce que j'arrive avec mes coudes, mes fous, mes fous, mes loups et mes couilles. On t'entendra parler tête à queue, tête à tête, tête à classe. Braqué dans des histoires à son plaque, t'entendras toujours parler de moi, boycotté, interdit. Mouillé dans des affaires louches, j'ai la vie du mec d'Haïti. T'entendras parler pédale comme la mort, tout par coup biggie. T'as bégayé, jour à Libye, j't'ai égayé, t'as trop grandi. Quand ça pousse, réponds, gros mon pou, mon popon. Les filles, arrêtez vos pampons. Dans les émeutes, nous vous tapons. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlez pas les keufs, trouve le moyen, parlez-moi. J'ai trop de flow, trop de rage, de quoi t'as pas les mois. Trop de personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlez pas les keufs, trouve le moyen, parlez-moi. J'ai trop de flow, trop de rage, de quoi t'as pas les mois. Trop de personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les mois. Contrôlez pas les keufs, trouve le moyen, parlez-moi. Trop de flow, trop de rage, de quoi ça parle moi. Trop de personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. Les mecs comme des meufs, mais t'as pas les moi. Contrôlez pas les keufs, trouve le moyen, parle moi. J'ai trop de flow, trop de rage, de quoi ça parle moi. Trop de personnalité, en bien, en mal, on parle de moi. C'est La Nocturne et c'est Alibi Montana au contrôle de La Nocturne, 100% rap français. Avec à l'instant un featuring avec Rof, parce que c'est vrai que quand on regarde ta carrière, t'as featuré avec tellement de noms. Grave, je fais vraiment beaucoup beaucoup de feats. Il y a une période, les feats, ils disaient que j'étais celui qui avait fait le plus de feats. Vrai ou pas, je sais pas. Bah écoute, pas loin peut-être. Bon, en tout cas, j'en ai fait pas mal et ça me permet de faire redécouvrir aux gens ou peut-être même aux plus jeunes. Ouais, bah, découvrir des morceaux comme celui-ci avec Rof, ouais. Voilà, des morceaux qu'ils connaissent peut-être pas et voilà, ça leur permet aussi peut-être de taper sur le net pour pouvoir écouter des trucs qu'ils ont pas forcément entendu. Toi, tu juges comment justement ta carrière à Libye? Moi, je dirais que j'ai une carrière qui me ressemble. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui est proche des gens. Et je suis mes amis disent que des fois peut-être même trop proche. Mais après je suis comme ça. Moi j'ai toujours toute une smala avec moi. Bon, ce soir on est moins nombreux que d'habitude, mais ouais, ça va, une petite équipe. Petite équipe. Et voilà, puis voilà, et puis je m'intéresse beaucoup voilà aux autres. Je m'intéresse de plus en plus à ce qui se passe aussi en Haïti d'où je suis originaire. Donc voilà, on est parti là-bas avec Alino il y a pas très longtemps, voir la famille. On a envie de faire aussi des choses là-bas. On a commencé à faire des choses là-bas. Et puis après l'avenir, on verra. On travaille sur ce EP là, avec Alino. On verra peut-être pour un album un peu après. On se prend pas la tête quoi. On vit calmement. Bon, ben on salue d'ailleurs tous les Haïtiens, Haïtiennes à l'écoute. Ça a mieux un peu le pays. Ça se redresse un petit peu ou c'est toujours. Comme on en parle moins, c'est vrai que. Ben on le remarque, hein, souvent les médias focalisent, après au bout d'un mois tu passes à autre chose. Exactement. Mais c'est pas pour ça que ça va mieux, on se souvient évidemment de la tragédie qui, il y a quelques années, avait touché Haïti. Exactement. Bah, pour te dire la vérité, Fred, c'est quand même un peu mieux, mais je trouve pas assez rapidement à mon goût, compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme don, je trouve que c'est un peu lent. Mais le président qu'il y a maintenant, il est quand même mieux que tous les autres. C'est le meilleur président qu'on ait eu. Est-ce que c'est parce que c'était un ancien chanteur? Je sais pas. Mais ah c'est ça. Donc tu vois, tu prévois l'avenir déjà. Mais tu vas y aller en fait. Tu vas aller sur la présidence. Écoute, qui sait. On sait pas. Hein. Les Haïtiens de France, vous avez qu'à voter à Libye. Non mais sans blague, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses. Même si c'est plus lent, mais il a fait mieux que tous les autres, quoi, en tout cas. Bah, on souhaite force, en tout cas, au peuple d'Haïti, représenté par toi aussi, Alibi, ce soir. On repart sur, bah, sur ta discographie. On reste sur l'album Prêt à mourir pour les miens. Exactement. Avec le frangin, justement. Avec le frangin, Alino, c'est parti. Est-ce qu'il y a le compte, mec? Ouais. La maison est encerclée. Rendez-vous. Sortez les mains sur la tête. Ali, il y a les keufs partout. Putain, merde. Fous les sous dans le sang. Ok, fous la cape dans les chiottes. Ok. Ici, t'es fait de rage et de principe. Dans la rue, seul le choix des armes est logique. Pour être en vie, on est passé des embrouilles au drame. Sur le parvis, on a versé du sang mais pas de larmes. On n'a pas de regrets, c'est fait par des regrets. Que ce putain de refrain, mais tu sais d'où l'on vient. Qu'est-ce que tu connais nous toi, mais qu'est-ce que t'as fait toi. Tu parles beaucoup, toi t'es qui, on te connaît pas. Mettre côté ma notoriété, mes tops et tout ce que j'ai fait. Avant ça c'était la survie, moi et mon refrain. Putain de plan, un pont mec, allez changer nos vies. Comprends-tu pourquoi que tu réel dans les écrits. L'amertume, le bitume, à réaliser mes albums. Pas d'alliés, des années de tôle, sans les deux personnes. Peu d'amour dans le cœur depuis la mort des remparts. Alibi, Alino meurt mais ne se rend pas. On tombe à deux, s'il faut monter, mec on monte à deux. S'il faut que revient bâtard, rien à foutre on fera deux. Aucune meuf, aucun pote écoute ne peut nous diviser. On a tout vécu, recollé après s'être brisé. Je ne mâche pas mes mots, ma parole. Même regarder de là-haut, ils comprennent que ma carrière vient de la rue. Je ferme les yeux, je vois les flammes, les balles, les larmes, les barreaux de prison et les armes. Il ici, t'es fait de rage et de principe. Dans la rue, seul le choix des armes est logique. Pour être en vie, on est passé des embrouilles au drame. Sur le parvis, on a versé du sang mais pas de larmes. On n'a pas de regrets, ne fais pas des regrets. Que ce putain de refrain, mais tu sais d'où l'on vient. Qu'est-ce que tu connais nous. Avec toi, le frangin Alino, fait, les gars pas tour la Courneuve. À tout le 93. Affronter le mal est dur, en autarcie. Le diable juge, l'amour tue, la haine endurcie. Le vol, la drogue, le refuge en banlieue. Trois chemins se grugent, un démon signe l'échec. Mais en bois, il reste, pour vivre, l'issue est mince. Aux abois fussent d'être, sales deviennent nos mains. Avant même d'avoir servi le premier criquet. À l'œil m'a fait les flics, et pour y entrer en taule, j'avais le ticket. Plein d'orgueil avant le tombeau, à part les actes. Rien, cicatrice, les putains de bobos. Dans le sac, tous les regrets, le dicton reste le même. Que tu kiffes ou pas, c'est la même. C'est ça. Si l'avenir est chaotique, y'a que pour prier qu'on note la capuche ou pose l'automatique. Au sol, le lauréat reste aux ténèbres. Okay. Seule une fusillade, sans cagoule, a su nous rendre célèbres. Il est ici, t'es fait de rage et de principe. Dans la rue, seul le choix des armes est logique. Pour être en vie, on est passé des embrouilles au drame. À mourir pour les miens. Sur le parvis, on a versé du sang, mais pas de larmes. Ça sur le net, tu l'as pas vu. Le clip. Pas des refrais, que ce putain de refrain. Mais tu sais d'où l'on vient. Qu'est-ce que tu connais de nous, toi. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi. Tu parles beaucoup, toi t'es qui. Avec le frangin Lino. Un pied dans la musique, la tête dans le béton. À y parler maton, on est des pites, faites sortir les chatons. Le destin, on l'a toujours pris, comme il arrivait. Si je signe des autographes, ne crois pas que j'en rêvais. Mon rap, un rescapé, sorti du coma. Enfoiré, t'as la haine, car il quitte l'anonymat. Une affaire de mi-fa, on doit faire du bifla. La jeunesse, on la guide, mec, sans avoir le bafa. La musique ou le crime, c'est rapillé. Le savoir est une arme pour un nègre, tant que se ramasse le billet. On s'arme avec les crocs. Oublier l'industrie du kiss pour les adeptes du micro. Avec un pied dans le risque, se craignent les jambes. Ce monde est triste, mais on a commencé avec une balle dans la jambe. Sombre pensée depuis la naissance. On ouvre le bal en sursis pour avoir donné à nos vies un sens. Il est ici, t'es fait de rage et de principe. Dans la rue, seul le choix des armes est logique. Pour être en vie, on est passé des embrouilles au drame. Sur le parvis, on a versé du sang, mais pas de larmes. On n'a pas de regrets, ne fais pas des refrains. Que ce putain de refrain, même tu sais d'où l'on vient. Qu'est-ce que tu connais de nous, toi. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi. Prêt à mourir pour les miens. Beaucoup, toi t'es qui, on te connaît pas. Tragédie, tragédie. Que personne s'en mêle. On s'en sortira ou on crèvera. Mais demandez pas pourquoi, c'est une affaire de famille. La chance nous a renié, pour X raisons. À trois, on a dû aller en prison. Pour une affaire de famille. Tragédie. Scoop, Alino, Alibi, tu sais. R.I.P. Scoop, Big Up tout Viltaneuse. Épinay Viltaneuse. N'oublie pas. 100% rap français. 100% explicite lyrique. Tu m'appelles pour les keufs, mec, je t'ai pas trompé. Gonaïde au micro, mais dis-moi qui peut stopper. J'aime pas les keufs, faut du rouge sur leur gueule. Alibi, gecko, pour ça, pas besoin de single. Numéro de portable, numéro d'écrou, sale flic, cripou, tu veux mon fusil à tous coups. Tu peux pas test, mes amis Marakairi, inspecteur de mes couilles, va te faire harakiri. Crois-moi, ma voix recrache tout ce qu'elle voit. Mes gars sont derrière moi, me suivent comme un convoi. À la Courneuve, on a brûlé le comico. Demande à certains agents où sont passés leurs chicots. Ouais. Je suis illicite dans ma vie et dans mes textes. Commissaire, Moulin, vas-y viens bouffer mon sexe. Pas la peine de rapper en mentant. J'aime pas ces putains de flics, tant mieux si tu m'entends. Ville de France, banlieue, chez nous c'est boys sur le route. Juste moi et mes potes, on serre les coudes. C'est embrouille, on veut pas failloter. J'ai un Alpha 520, c'est le gecko. Ville de France, banlieue, chez nous c'est boys sur le route. Juste moi et mes potes, on serre les coudes. C'est embrouille, on veut pas failloter. J'ai pas peur de la police, j'ai comment l'éduquer. Ma vie se résume à faire des baisers tasses. Laisser l'état dans un piteux état. Les places, les baisers trash et que les PDG clams. Haine confidentielle, s'il y a des dieux flics au paradis. Sur ma vie, tu auras du conflit dans le ciel. Oh adieu, mon père n'est pas une tapette de flic. Peut te refuser un feed, mais pas une barquette de frites. Aucune émotion face à un flic mourant. C'est pédé mettre du coton pour avoir un slip moulant. J'arpente les rues à l'affût des gros culs. Reconnu comme reconnu. Tu connais la répute, ma colère n'arrête plus. Si un flic te touche, le choléra débute. Ma bite fait fantasmer les fliquettes cochonnes. Pour ça que ses collègues me matraquent au sol. Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en deux chevaux avec un cadavre de flic sous la roue. France banlieue, chez nous c'est boys sur le route. Juste moi et mes potes, on serre les coudes. C'est embrouille, on veut pas failloter. Hey, big up tout le ghetto fabuleuse gang. C'était avec Alpha 520 ça, et cette gecko. Tu te rappelles? Moi et mes potes, on serre les coudes. Allez, viens Montana, t'as ma parole. On veut pas failloter, j'ai pas peur de la police, j'ai comment les niquer. Mes amis m'appellent le tsunami. Les flics me fouillent, le shit est planqué sous ma bite. Tant de choses à dire sur ma vie. Quand les fumées nocives développent mon odorat, évite de clash car je ne suis pas ce gros connard de ma pokora. Je voudrais juste rester debout. Le trafic rapporte plus de soucis que de sous. Le mitard et la jaune, le juge a mis la dose. Dans mes aventures, j'ai beaucoup moins de chance qu'Indiana Jones. Droit dans les yeux, que tu comprennes de quoi je parle. Dans le ticard, un jour tu prends deux baffes, un jour tu prends deux balles. Les vieux démons me hantent, la délinquance me tente. Et yo, la rue me plante, les amis disparus me manquent. Car regardez, je fais de la peine. Tu peux crever dans ta cellule, le surveillant ne répond plus quand tu l'appelles. Yo, la liberté ne sera jamais cantinable. Aux élections du meilleur fils de pute, le juge est candidat. Ville de France, banlieue, chez nous c'est boy sur le route. Juste moi et mes potes, on serre les coudes. C'est embrouille, Alpha 520, cette gecko. Chimique, Nico Flo 91. Grosse connexion. De ma parole. C'est embrouille, on veut pas failloter. J'ai pas peur de la police. Planète rap 100% explicit lyrics. Toujours ghetto. Volume 2. M. Moubaraka. Et on passe à Marseille avec Monsieur Soprano. MC Tekoma, Mam Fahamou, hey. Alibi Montana, Alibi Montana, Monsieur Featuring, c'est parti. Ok, Moubarak au mic, violent, y'aura des blessés. Parfois mais sûrement, mais rien ne sert de faire le brisé. Pour percer, faut s'approprier de l'esprit corsé. Comme le ministre de l'Intérieur choqué quand il vient causer. Dans mon quartier ça brûle des caisses. Mais qu'est-ce que tu veux que je aie? Trouver la solution très pique mec, avant que ça pète. C'est comme à la frange, j'ai pris charter. Dans mes bagages, j'ai embarqué la rage. Comment, pourquoi j'ai un peu fracasse? J'ai fait trajet 9-4 Marseille en mission pour un morceau soprano dangereux MC. Mon chat dans ta face, dans ta face. Je vois les petits frères briller un premier de la classe. Que tout s'efface, tout s'efface. Nos peines et tout ce qui tracasse. Déterminé, faut s'accrocher, franchir les obstacles, se dépasser. Ouais. Sinon, fais avoir ses knacks. Ouais. Au microphone, tu lâches mes nids pour viser plus haut. Ma main sur le cœur, mon bras vers le ciel, toujours gay. Déterminé, observe dans nos profonds regards. Force qu'on dégage, énergie positive se bat de façon stratégique. Face au système, là ce qui nous jette, on reste allergique. Alibi, Soprano, Moubaraka. 9-3-9-4, Marseille. 9-3-9-4 et 13. Face à ma critique, 9-4 déterminé. Big up à tout des banlieues de France. Je suis déterminé que Richard du Nanander, Carafat avant qu'on l'enterre. Soprano comme Martin Luther, qu'un absent dans les airs, avec un cutter, qu'une Black Panther, qu'aurait les points du Ken Carter. Moi j'ai pas de cartel, mais un bloc-notes prêt à te faire sortir du ring avec une attelle. Je suis hâté de ce système. Depuis que Sarko nous fait la presse dans son église, le vice est un appât avec lequel on pêche. Moubarak à la baisse, merci pour le guest. Soprano Baba Flo qui fracasse très bien vite la presse. Qu'on lâchera pas la verre tant que la famille ne fera pas la fête. Au bled, au fait, je reste ghetto tant que la justice nous pèse. Demande à Alibi combien de millions les ministres se font quand ils envoient leurs milices dans nos coins de détresse. M'kana baraka, mon amou baraka, kingazi, jafanya m'kara, kara, lyrical pour rester le père. Déterminé, observe de nos profonds regards. On t'a ressenti cette force qu'on dégage. Énergie positive, se bat de façon stratégique. Face au système, là, ce qui nous jette, on reste allergique. Soprano Moubaraka. Déterminé, on restera toujours ghetto pour nos minots. Déterminé 9, 3, 9, 4 et 13. Déterminé. Je veux du rap, en voilà. Du hardcore, en voilà. Tu veux envoyer ta sœur pour nous calmer, en voilà. On est déterminé. Comme Florence Ray devant les keufs, comme Rocco devant des seufs, comme Tyson avec sa meuf, les rêves brisés. On a trop eu affaire, on m'a refusé. On traite la grand-mère, tous ceux qui nous promettent la fusée. 9, 3, 9, 4, 1, 3, qu'est-ce que tu crois? Trop de violence dans nos rivières, tu lâches pas, tu te noies de la Courneuve à Marseille, avec ou sans soleil, t'as la rage. Si avec ce putain de son tu te réveilles, ici Blanche-Neige porte des strings, le Père Noël est un macro. Le clown qui fait rire les enfants s'appelle Sarko. On est entouré de traîtres, envahis par les bâtards. La vérité fait que souvent mon rap se retrouve au mitard. On est là pour dire qu'on représente toute la population. Le message est clair, mec, écoute cette grosse combinaison. Déterminé, observe de nos profonds regards. On t'a ressenti cette force qu'on dégage. Énergie positive, se bat de façon stratégique. Face au système, là, ce qui nous jette, on restera allergique. Alibi, Soprano, Moubaraka. Déterminé, on restera toujours ghetto pour nos minots. Déterminé. On voyait les messages, ici même à Skyrock, et sur les réseaux sociaux, Twitter, @AlibiMontana1, Instagram, @AlibiMontana1, Facebook, AlibiMontana officiel, et ici même à Skyrock. C'est la Nocturne et c'est Alibi Montana au contrôle de la Nocturne ce soir. Alors il y a un projet qui devait sortir, on l'a dit en début d'émission, mais il verra le jour plus tard, à la rentrée peut-être. Exactement, le EPCZ. Voilà, il verra le jour à la rentrée. Ça va nous permettre de laisser le temps de faire les clips qu'on voulait. On va faire le clip notamment. Tout à l'heure, on va passer à la séquence CZ où je vous jurerai des morceaux justement de ce EP. Et donc, CZ, pourquoi d'ailleurs CZ? CZ, ça veut dire compteur zéro en fait. D'accord. Voilà, c'était une façon de redémarrer des nouvelles choses, des nouvelles prods. Et puis sur CZ aussi, donc des flows différents. Donc j'ai fait des choses aussi que j'avais pas l'habitude de faire. Je me suis amusé parce que c'était un EP. Je me suis dit bon, je vais me faire plaisir, je vais tenter des choses. Et d'ailleurs, je suis venu avec Rudy Joe qui m'accompagne sur le morceau Cheval de Troie. Et ça fait partie des clips que justement qu'on va tourner, pour lesquels on a retardé pour pouvoir tourner. Il sera là, il va ambiancer le morceau avec moi, Rudy Joe. Et il vous dira qui il est. Les gens de l'époque doivent se rappeler de lui, et les plus jeunes, ils apprendront à savoir qui c'est. Ils vont découvrir là tout à l'heure. Il y aura du live aussi avec toi, Alibi, dans l'émission. Le projet, on le disait, Je suis CZ, qui sortira à la rentrée. Et puis là, on retourne sur le Toujours Ghetto 2. Exactement. Il y avait le morceau avec une connexion Haïti Comore, hein, Moubaraka et Soprano. Et Soprano, exactement. Voilà. Instant déterminé. Déterminé. Et là, un autre morceau avec plein de featuring encore. Olkinri, Danidan, Nubi, Sefiu. Voilà, le célèbre Très Bon Nom. Voilà, c'est un morceau. Souvent, j'entre avec quand je fais des showcases ou des concerts. J'ai fait une version pour moi. Donc voilà, Crée Mon Nom pour vous maintenant tout de suite. Alibi, si tu carottes, je lève l'angle tel un marin, je reste propre même quand j'escroque. Crée Mon Nom, Nubi sale. Classique. Coup de griffe. C'est Fiu, Danidan, Nubi. Olkinri. Appelle-moi Zeref, yo, Molotov, undercover, la muscule est va avec. Appelle-moi kilo de cocaïne dans le coffre d'un Merco. Hardcore, on peut pas plaire à tout le monde comme Marco. C'est Tony Montana, Ali Pacino. T'as ma parole, c'est qui Bene, c'est qui c'est Pequino. Mon rap, planqué comme du pédo dans les couilles. Illicite, si tu pécho chez moi, mec, vas-y, grouille. Appelle-moi Carlos,

différence entre Bachar et Kadhafi. Dans beaucoup de pays en guerre, voient les mêmes hommes d'affaires qui leur vendent ici les bombes pour remplir les cimetières. A ton avis, pourquoi on a tué Saddam Hussein? Pourquoi tout n'est pas clair sur la mort de Ben Laden? Attends, je te mets à l'aise, ils ont peur du beau Chavez. Quand je parle de l'Amérique, je te parle pas du rêve. Allez, puis trop de feu, n'a aimé tes buts dans le rap. Gros DJ Sarkozy, j'ai résisté aux attaques. Fais péter les watts, j'parle à Watt. Les francs-maçons sont partout, prennent tout, partout ils grattent. Les doigts sur la détente, je les fais péter au béton. Tu me demandes quelle heure il est, l'heure de braquer la banque. Ils nous cachent, cachent, tu sais, cachent, cachent la vraie info chercher. Vache, vache, allez, pendant que tu clash, clash, eux ils te crash, crash. Pendant que tu gâches, gâches, eux ils te mash, mash. Ils nous cachent, cachent, tu sais, cachent, cachent la vraie info. Monsieur Rocket Squad, vache, vache, allez, pendant que tu clash, clash, eux ils te crash, crash. Pendant que tu gâches, gâches, eux ils te mash, mash. C'est la guerre comme on est un super voleur comme Chirac. Je suis ce pirate, psychopathe pour les démocrates. Fuck les aristocrates, fuck leur ministère crade et leur maudite brigade. C'est pas de nous si on a des grenades derrière comme le Tché. Mais ici on stick pour G. Normal le peuple est fâché. J'suis là pour arracher cool shit. Trop ce shit dessus. Eh ouais mec, j'suis déçu. Pourquoi en France ma famille est toujours mal reçue? Arrête de cesser. Ici c'est pas les states en problème. Ma fortune est plus grande que celle de Bill Gates. Jette un œil sur le monde et j'vois qu'il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de cons. Les bombes explosent pour exposer une cause. Pour rien on s'arrose, tu sais la vie n'est pas arrosée, on overdose. Saisie, kidnapping, j'suis pas le king, j'suis Eddie M et le monde, c'est mon ring. Ils nous cachent, cachent, tu sais, cachent, cachent la vraie info chercher. Vache, vache, allez, pendant que tu clash, clash, eux ils te crash, crash. Pendant que tu gâches, gâches, eux ils te mash, mash. Ils nous cachent, cachent, tu sais, cache, cache la vraie info chercher. Vache, vache, allez, pendant que tu clash, clash, eux ils te crash, crash. Pendant que tu gâches, gâches, eux ils te mash, mash. Paname, 9293. Alors Saint-Germain, t'es là pour tentative de meurtre. Là, actuellement, il est dans le coma. On retourne à Marseille. Pourquoi tu vas pas y passer? Donc maintenant, tu vas nous dire toute la vérité. Moi je te dis. Monsieur l'inspecteur, je parle de moi et personne d'autre. Si je suis dans votre sale commissariat, c'est que c'est de ma faute. Une balle s'est logée dans le plafond en haut de chez moi. Pour ça, il n'y avait aucun témoin, donc trop lâchera. Ils sont partis trop trop loin, ont failli tuer l'un des miens. Et si c'était le cas, j'en aurais tué un avec ma main. Je sais que vous êtes sur moi et mon équipe depuis très longtemps. Mais cette histoire a transformé le business en règlement. Avant, les affaires se faisaient plus ou moins dans la paix. Mais la guerre s'est déclenchée à cause d'un manque de respect. Les lois de la rue, pour nous, elles comptent vraiment beaucoup. Certaines situations peuvent nous rendre vraiment fous. C'est vrai, j'avais une vie, un toit, une femme et des gosses. C'est vrai que l'honneur a pris le dessus de manière féroce. Ok, dans votre tête, vous vous dites que je suis bête. Mais c'est comme à la cité, on refuse pas un tête à tête. Que dans la force, à ceux qui se tiennent, les vrais hommes, chez nous-mêmes. Même qu'on plante, on est seul face à ses choix, ses choix. Que Dieu dans la force, à ceux qui se tiennent, les vrais hommes chez nous. Ex I am, comme on veut. Même qu'on plante, on est seul face à ses choix, ses choix. Monsieur Saint-Germain, rien à ajouter par rapport à votre précédente déposition? Car il s'avère que vous n'étiez pas seul dans cette affaire. Il est question de deux autres complices, d'après nos sources. Monsieur Saint-Germain, en a ajouté? Ma version est la même que chez les flics. Peu importe vos questions, je parle que de moi, y'a pas de suite. Arrêtez de me parler de mes complices. Lisez ma déposition, il n'y a que moi que je cite. Monsieur le juge, je suis là tout seul. J'irai en tôle tout seul. Vous voulez des informations, alors allez sur Google. Monsieur Saint-Germain, on touche la MIFA, alors je réagis. Désolé, je supporte pas ça, ça me donne de l'allergie. Préparez le mandat Tepo, le stylo, tout ce qu'il faut. J'espère qu'au placard 2-3 poteaux me feront des yo-yo. Si, si. C'est bon maintenant, vous pouvez me dispatcher. Je vous ai assez parlé, donc laissez-moi m'en aller. À ma parole. Le car cellulaire, je sais de quoi il a l'air. Quand on vient d'où je viens, on n'oublie jamais la galère. Jamais. Ma liberté, je la perds dans votre bureau. Mais ce n'est que pour un temps temporaire comme les barreaux. Dans la force, à ceux qui se tiennent, les vrais hommes chez nous-mêmes. Même qu'on plante, on le seul face à ses choix, ses choix. Que Dieu la force à tous ceux qui sont derrière les barreaux, à ceux qui se tiennent, les vrais hommes chez nous-mêmes. Même qu'on plonge, on est seul face à ses choix, ses choix. Peu importe les conséquences, nos actes, nos choix, on les assume, ce sont des combats nobles. La noblesse de la survie, esprit de quartier, ce qu'on crie, mais on reste des hommes dans la folie. Habité par la fierté, on vient de la tête haute quand ça marche ou dans la difficulté. La parole vaut de l'or chez tous les hommes d'honneur, plus qu'un mode de vie s'il le faut, mec, pour elle on meurt. Courage les frères. La parole d'un homme, c'est le plus important. Pour elle, on meurt, pour elle, on meurt, pour elle, on meurt. C'est la Nocturne et c'est Alibi Montana au contrôle de la Nocturne, 100% rap français sur Skyrock. C'est. Alibi avec nous, il y aura un live tout à l'heure, Alibi. Hein. Live tout à l'heure, exactement. À pas louper, là, on se replonge un peu sur, bah, sur les morceaux. Là, il y avait le morceau avec Freeman. Et voilà, c'était un bon kiff. C'était la première fois que je faisais un truc avec lui. Et je suis affaire de famille, et puis voilà, c'était un bon moment. Voilà quoi. Et on va repartir sur le projet Rue aussi avec un projet qui a marqué. Hein. Il y a eu 2 volumes pour l'instant. 2 volumes exactement. Peut-être un 3e un jour, qui sait. On verra. Hein. Si on tombe d'accord, moi et Eliem, ouais. Je passe le big up. Dédicace à Eliem qu'on salue. Le 9-2. Ici. Le 9-2, le 9-3 réunis. Ce morceau s'appelle Message d'espoir, c'est ça hein. Voilà, on avait convié Kenza dessus. Parce que Kenza, c'est une chanteuse, c'est une nana dont j'ai toujours bien aimé la vibe. Et voilà, ça a donné un message d'espoir et une bonne collaboration. Alibi Montana au contrôle de la Nocturne, 100% rap français. C'est sur Rue 2. Explicit. Explicite Lyrics. Bonjour Monsieur Saint-Germain, ou Monsieur Alibi Montana, je sais pas comment vous appelez. Je suis Monsieur Marié, votre juge d'application des peines. J'ai examiné vos titres, qui sont assez violents pour la plupart. Je me demandais si vous saviez vous-même combien vous en avez écrit. Écoutez, monsieur le juge, de temps à ma parole, à 1260 jours, à numéro d'écrou, à rue, à inspiration guerrière, et maintenant, jusqu'à prêt à mourir pour les miens, il y en a des tonnes de couplets. J'ai décrit mon nom, car je voulais quitter mon nom. Je demandais la reconnaissance de tous mes compagnons. On est dans le vide, on se vide, comme Carradine David. Comme dans un western, où on prend le chargeur et on le vide. C'est le monde à craquer, qui parlait de vérité. Depuis ça, ce qui m'est arrivé, oui, je l'ai mérité. Béton, j'ai trop la rage, je vais tout niquer, talent fâché. C'est comme ça que je l'avais lâché, je suis toujours aussi fâché. 93, délinquance, okay. C'est pas une rumeur, c'est vrai. Les bastons et l'exécution des balances. Écoute, je m'en souviens, comme si c'était hier. Même si j'ai fait des erreurs pour la rue, je suis resté fier. Pourquoi tu parles de moi, trop de blabla. Je te fais la rague là, je tire blabla. Donc pourquoi tu parles de moi? J'ai mal les mecs, c'est alibi. Je vous parle les mecs, ce titre me fait mal au cœur. Putain je fais avec. Gangstar classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mes putains de hits. Gangstar classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Gangstar classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mes putains de hits. Gangstar classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Remets la pente, remets la pute, remets la puce. L'intro numéro d'écrou, elle t'a fracassé l'anus. C'est le retour du numéro d'écrou. De la classe arrêtée, trop boycotté. À l'époque mis de côté. Ta gueule, arrête de parler sur la musique que l'on kiffe. Ta gueule, j'ai donné ça trop violent. Agressif, œil pour œil, dent pour dent. Pour ceux qui touchent à nos trafics. C'est dans rue, c'est du sale hal. Il a la pratique, 3 ans et demi. Derrière les carreaux, derrière les barreaux. Je suis animal, je te sors un album tout droit sorti du zoo. C'est 1-2-6-0, tu t'en rappelles. Poteau, dans la main, un stylo. Entre les dents, un couteau. La vengeance est un plat qui se mange froid. La haine se boit, c'est toujours ghetto. 3, du studio au mix, au master. Ma cam est découpée, je suis écouté comme un pasteur. C'est ma drogue, c'est pour tous les accros. Si tu collectionnes mes textes, ça veut dire qu'on a trop. Gangsta classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mais putain de hit. Gangsta classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Gangsta classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mais putain de hit. Gangsta classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Mets du volume, ça part en couille, on a la dalle. C'est le son du ghetto, ça fait un scandale. Ça fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Street fight à fond la caisse, dans les caisses. Et en reste ici, c'est danger. C'est ma rue, y'a les flingues, y'a l'ennemi, y'a tout ce qui est mauvais. C'est ça. Ghetto rap, te rêvais, je l'ai fait. Mourir pour les miens, tu le vois, je suis prêt. Alibi, Alino meurt, mais ne se rendent pas. Va écouter tragédie, après on leur parlera. J'ai grandi dans le hardcore, ma vie elle est hardcore. Ça remet tout le monde d'accord. Dans les gènes, le hardcore. 10-10, 2005, malaise profond. Mise en cause de l'intégration par les enfants de la nation. Dédicacé à Bouna et Ziad. Crise des banlieues, black, blanc et arabe. Tout qui béné, c'est qui c'est Pequignot. Mec ici y'a que des buteurs, on encule ton calcio. Gangsta classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mais putain de hit. Gangsta classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Gangsta classique, underground classique. Tous les chiens de la classe les connaissent, mais putain de hit. Gangsta classique, underground classique. Tu connais pas mes classiques, la rue c'est ma musique. Quand tu m'appelles pour l'attentat, t'appelles un fusil mitrailleur. Pom pom pom pom pom, tire ou pas la tête ton glock. Le rap de rue est arrivé, quand je suis sorti du placard. On fait honneur au ghetto, vas-y mec, raconte pas ta merde. Marqueur de biberon, désobéissance. Alino, zone et Kaimer, pour reprendre si je meurs. Derrière moi, me l'instrou, sans oublier Swatter. Condamné dès le début, dans le rap j'ai mis la rue. Si tu carottes mes thunes, ça fera ratatata. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Mélanie, Madame James, ça nous fait plaisir de l'entendre. Loin des yeux, loin du cœur, trop près de la bêtise et de l'erreur. L'histoire d'un homme et d'une femme. d'un bonheur et d'un drame. Le stylo à la main, à l'intérieur de la cellule. Je me rends compte que toi et moi, maintenant, ce ne sera que dans ma bulle. J'ai tout gâché, je sais que t'es fâché. Je ne peux pas t'en vouloir, même si tu penses à me lâcher. J'ai grandi en bas des tours, au milieu des vautours. Avant toi, je n'avais pas rencontré l'amour. Tu m'as amené, ramené dans ton milieu. J'ai découvert avec toi, je le dis, je ne sais combien de lieux. J'ai la rage, en décalage, et de là où je me trouve. Si tu m'aimes, faut que tu me le prouves. Pourtant c'est ma faute si on en est là. Non, je n'ai pas écouté tes conseils, j'ai fait trop de dégâts. Pour résumer, je suis présumé coupable. Je t'écris, j'ai mis ta photo sur la table. Quand je parle de nos moments les meilleurs, mes collègues en prison me disent loin des yeux, loin du cœur. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Je t'ai rencontré, j'étais gamine, fragile, un peu naïve. J'ai grandi, mais à leurs yeux, je ne suis que la femme d'un caïd. Dehors ça parle et tu sais bien, tout le monde s'en mêle. Que vas-tu faire? Est-ce que tu sais, Mel? Dis-nous combien tu l'aimes. J'ai plus de cœur, l'amour en état de cendre. Ici je me sens seul, je me sens veuve en ton absence. Je sais que t'as besoin de moi et de me voir. Mais notre histoire au départ n'était pas faite pour les parloirs, non. J'ai le vertige, trop de litiges ici. Tout le monde me dit que tu vas prendre 8 à 10 piges. Et si c'était vrai, et si mon homme était coupable, serais-je de celle qui resterait même face au temps si redoutable? Y'a ton auteur à la baraque, tes photos sur les murs. Depuis que t'es plus dans les parages, tous tes potos jouent les durs. Je suis perdu face au dégoût que ça suscite en moi. Du coup je n'ai même plus le goût de la réussite. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Que vas-tu faire? À quoi tu penses? Je suis dégoûté à chaque fois que j'apprends que t'es hors de France. Je te jure, ici les mecs ruminent tellement de rumeurs. C'est vrai, j'avoue c'est rare que je sois de bonne humeur. C'est rare. Quand j'ai du mal à dormir, je lis tes lettres. Ça m'aide à supporter tous les gens qui me testent. C'est con. Putain, pour moi c'est un symptôme. Je me demande pourquoi toi et moi on n'a pas une môme. Pourquoi? Tellement de regrets depuis que je t'ai quitté. Ouais. Et que je ferme l'œil, putain, je vois que je me suis trompé. C'est vrai. Sois fort, n'abandonne pas la bagarre. C'est écrit, tous les deux on reviendra à la case départ. Qu'est-ce que je fais? À quoi je pense? Pourquoi je saigne? Pourquoi suis-je seul en vacances? Pourquoi je t'en veux de m'avoir laissé dans la merde? Personne ne m'aide et je me retrouve genou à terre. En décalage, vu l'amour que je te porte, je le sais. Dehors, personne ne sait combien mon cœur crève et se resserre. Alors ouais, je souffre, ouais, je sais que tu as tort. À bout de souffle, je vois au-delà des miradors. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas, loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, dédicacé à tous ceux qui sont éloignés des proches, loin, loin, loin de toi, qui leur tient à cœur, de ta force et de ton soutien. Loin, loin. Envoyez les messages, Twitter, @AlibiMontana1. Ici même à Skyrock. Sur le Facebook AlibiMontana. Pour ceux qui vont voir leurs proches au placard. Tout près du pire, très envoyez les messages. AlibiMontana, James. Loin des yeux, loin du cœur. Trop près de la bêtise et de l'erreur. T'as ma parole. L'histoire d'un homme et d'une femme. D'un bonheur et d'un drame. La Nocturne 100% rap français avec AlibiMontana au contrôle de la Nocturne sur Skyrock. Et ce morceau avec Diams aussi, hein, un morceau important dans ta discographie, hein, celui-ci, Alibi. Ouais, un morceau important et surtout un morceau aussi qui parle à beaucoup de gens. Parce qu'à l'époque, j'en ai discuté avec des couples, avec des couples mariés et notamment des gens qui étaient séparés ou qui allaient voir leurs proches qui étaient enfermés. Et c'est un titre qui a parlé aux gens, quoi. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Alibi, dans un instant, on va partir sur le projet CZ. Exact. Qui devait naître là, dans les quelques heures, mais qui est reporté à la rentrée. Qui est reporté, mais je rappelle, les gens, ils peuvent sur iTunes se procurer les morceaux CZ, Je suis CZ et Cheval de Troie qu'on va écouter tout à l'heure. On part juste avant de basculer sur Je suis CZ sur un dernier morceau de la discographie, enfin de du passé, j'ai envie de dire. Exactement. Et excuse-moi, Fred, juste avant de ce morceau-là, je vais juste dire que je serai en live dans les studios RTSF le mois prochain. Et c'est un showcase privé. Et pour dire aux gens qu'ils peuvent avoir les infos sur le www.rtsf93 et qu'ils peuvent demander leur place à deux numéros. Alors, notez bien, au 07 51 21 62 79. Je répète, 07 51 21 62 79. Et un deuxième numéro, c'est le 01 48 41 15 86. Je répète, 01 48 41 15 86. Et le concept, c'est premier arrivé, premier servi. Eh ben, allez-y, dépêchez-vous d'appeler le numéro de téléphone. De toute façon, je suppose que tu refiles aussi le numéro sur tes réseaux sociaux. Hein. Exactement, sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Allez, juste avant, je suis CZ. Un morceau extrait du projet Toujours Ghetto volume 3. C'est ce qu'on écoute maintenant, où tu es aux côtés de Zone, de Kemer et d'Alino. Voilà, avec la famille, avec les petits frères. Hein. Donc voilà, gros big up à eux et gros big up à toute la Courneuve et le Menace Crew. Pesé 93, pesé, sexe, business, coca usé, pesé 93, pesé, on s'en bat les couilles, des 30 millions d'ennemis. Pesé 93, pesé, sexe, business, coca usé, pesé 93, pesé, on s'en bat les couilles, des 30 millions d'ennemis. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. J'ai du respect pour ta mère, en concert elle me fredonne, pas de psy. Mon flow te donne l'épilepsie. Ma fusée, partie pour conquérir la galaxie. Fais bouger les lascars, les meufs et même leur tissage. Okay. Tu veux mon 06, on verra si t'es sage. Toutes mes femmes se connaissent, ceux qui m'aiment me reconnaissent. J'te jure. Depuis ma sortie tôt, le rap je le blesse. Je fais 10 000 choses à la fois, tu payes si tu veux ma voix. Hey. Mes gars ont faim et mon ghetto compte sur moi. J'ai des fils pour le foot et des filles pour la chanson. C'est ça. Dans mon 93, mec, j'ai gravé mon nom. 93, busy, plus délinquant, tu meurs. La douche lampe, petit chlasser pour une rumeur. Occupé à compter le fric, quoi, niquer les haineux. Cherchez pas, c'est la ZONE. Dans les studios ou dans les hauts, de façon, ça change rien. On est là pour tout baiser, ça vous savez bien. Trop ici, à vendre de la drogue. C'est abusé, comment on brûle les prods. Ici, y'a 4 soldats qui sont panés face à la manche. On te coupe les bras et on t'oblige à aller faire la manche. Avale notre son et je te jure que ça pue la nausée. Et nous tester, j'espère que personne ne va oser. Pesé 93, pesé, sexe, business, coca usé, pesé 93. Allez, nos zones, les on s'en bat les couilles, y'a des 30 millions d'ennemis. Pesé 93, la Courneuve 93. Sexe, business, coca usé, pesé 93, pesé, on s'en bat les couilles, y'a des 30 millions d'ennemis. C'est trop triste, accepter le drame, leur loi, je bousille, 9-3 busy, terroriste avec des fans au volant. La Smirnov dans la vessie, Kalashnikov dans le V6, trop violent. Y'a danger, constat, on n'a pas changé. Uzi, musique, ma arme, s'élève, sourire hargneux, je vois rouge Marianne, salive. Mais oublie pas que le voyou rempli de haine tue des gens, mais ne meurs pas sans qu'ils deviennent une légende. Mère, ne pleure pas, méchant joueur de corps, faut que je poursuive. J'ai donc plus de temps ennemi. Aujourd'hui, c'est le ton du sang, mais sans ton accord. En sang et la rétine, au réveil, le shit mélangé à la nicotine, aide à faire du zeng, sale pour manger, la routine, le mauvais présage, éveil, est déterminé, et plus une question d'âge, du berceau à la tombe, miner le chemin, la rage sert de guide, y'a pas de doute, en elle on y trouve son point commun, pour casser la croûte, passer du bon temps, près du mur ça shoot, des pièces, mais rien ne dure jamais longtemps, pour être honnête, plus ou moins, l'important reste l'humeur, à moins. De choper une tumeur de près ou de loin. Dans le somme en 7, on 9. Grâce au vol à marmer, 7 jours sur 7. Ou en dealant de la 09. Pesé 93, pesé, sexe, business, coca usé. Pesé 93, pesé, on s'en bat les couilles. Y'a des 30 millions d'ennemis. Pesé 93, pesé, sexe, business, coca usé. Pesé 93, pesé, on s'en bat les couilles. Y'a des 30 millions d'ennemis. 93, pesé. Dirty Land, Julien Serru, Stoner, Rap Contender, ADM, Dre Boni, Crimo de Marseille et Nino, Big up. Buzzy, Buzzy 93, Buzzy, sexe, business, coca, Uzi. Buzzy, Buzzy 93, Buzzy, on s'en bat les couilles, des 30 millions d'ennemis. WBRG, nouvelle Kema, Mama de Lyon, Mousse de Poire 678, au mec du plaisir, Youssef et Big Will. Planète rap, 100% explicite lyrics. Ils sont tous à la ramasse. On passe en mode CZ. Une vidéo sur un site porno suffit pour faire jacter, manipuler la masse. Dispo sur iTunes. Tape CZ seulement et laisse-toi guider. Depuis 99, j'ai présenté 200 feats par an, le crément s'enclenché. Le son gâté, le creux sont cloqués. Tête pas qualité, je viens son padré. Tranquillement, on revient faire du sale. À vous porter, on les cale à châle. J'ai stoppé, arrêtons d'alerter. Il doit appeler 4000 Fabrice. Timer. Je n'ai jamais rappé pour le trône. Rappé pour le trône, rappé pour le trône. Plutôt qu'on se rend galère dans la zone. Galère dans la zone, galère dans la zone. Ceux qui ne parlent que derrière, je les baisse. Je les baisse, je les baisse. Ne m'appelle pas en tiers, trop t'es un jazz. Pour le hip-hop j'ai tellement donné. J'ai tout niqué avec de l'indé. Le temps qui fuck j'ai tellement procé. Sarkozy voulait me condamner. Ouh, je laisse parler les langues de pute. Je laisse parler les fils de pute. Car les vrais me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent. J'fais qu'à la chute du cul de ces tabas. Pas beaucoup d'hommes dans ce game, trop de l'homme. J'fais qu'à la chute du cul de ces tabas. Sont tous à la ramasse. Point new. T'as ma parole, je vais tous les baiser. L'enrouler dessus en 4-4 les écraser. AK-47 dans leur mer. Le premier coup peut être pas d'hier. Rêve des macabées dans le froco. Boucherie, tu ris le tout nouveau flow. J'avais du buzz avant like et tweet. Demande à ta mère et tu la vie. Y'a la fin de la calage négro. Y'a je suis toujours ghetto négro. Combien de fois j'ai posé de leur putain d'album pour épauler ces putains de chiens. Qui me regardent dans les yeux et disent devant tout le monde que je n'ai pas aidé ces putains. M. Daoud, Bouz, Capé, j'en ai tellement aidé, je peux pas tous les compter. J'ai fait le travail du ONG. Ferme ta gueule et vais t'enrouler. Le rap en pas, je l'ai t'aimerais pas. Bouton, haché, t'es déjà pas. J'étais la menace et le record. Ils suçaient des bits quand j'étais hardcore. Tu prends une ta promotion, n'a même pas. 9000 limites dans le cul de ces contrats. Ils ont de la rancune, j'ai même pas pourquoi. Ils ont tapis les grands pieds plus dans les bois. Parler hip hop comme un crève la dalle. Sans voir le pied de ces grosses pédales. Zozo va cabou dans leur trou de balle. Il en faut qu'à lâcher hôpital. C'est Z. J'fais qu'à lâcher tout du cul de ces tas. Beaucoup d'hommes dans ce game font de l'Oxa. J'fais qu'à la chasse du cul de ces tabas. Tabas. J'fais qu'à la chasse du cul de ces tabas. Pas beaucoup d'hommes dans ce game font de l'Oxa. Big up RTSF 93. Planète rare 100% explicit lyrics. Point you. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Rien que ça parle. Rien que ça enquête, gros. Je l'ai fait sur le dos. Comme les keufs. Quand je vais signer mon contrôle judiciaire. Je veux parler de mes jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, sushi, Anthony. Fils. Tu veux parler de mes jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, Gessner City, 5 ans, fils. Coup de tête, Zidane, Materazzi, maintenant jugez ma vie. Que des rumeurs dans tout Paris, j'atterris, paraît qu'on m'a fait du stroll. City, je la prends en le vrai, quand je vois tes messages, je te réponds lol. Pas de placard pour le rap, si je fais au ballon, c'est pour la MIFA. T-A-N-T-F, panique et ta mère en TN, tu comprendras. J'ai fait des fautes comme tout homme, parce que j'ai des failles. grandi dans la cité, donc j'ai mon BEP de racaille. Je me suis fait tout seul, élevé tout seul, quand t'as que de la gueule. Si t'es parti au placard, t'as dû écouter l'un de mes singles. Ce que je fais touche des gens, je m'en rendais pas assez compte. Big rap, travail, terre-terre, celui qui pousse la fond. Il faut qu'à lâcher, parce que attaquer, on se connaît nous. Laisse-les faire du cri, tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Laisse-les faire du cri, tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. C'est vrai que la signature m'avait rendu moins tard. La connerie de photos de Rosta, tous les trucs de bâtard. Pour te dire la vérité, y'a pas beaucoup de scram. Donc on a réduit l'équipe, ben tous les incapables. L'un de mes gars a déconné et je prends tout sur moi. C'est le mec tout V2 numéro 1, telle est ma vida. La réalité peut paralyser, faire crier m'aider. Y'a des ennemis près de toi, les amis, faut savoir analyser. Que tu me laisses toujours garder la roue dans mon cœur. Toujours avancer sans avoir peur de l'erreur. J'ai perdu tellement des miens que j'ai le flot qui pleure. Tellement de cadavres, le cimetière est dans mon sang pleure. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Je suis CZ, je suis CZ, je suis CZ. Alino, Timer, Fabrice, CZ, Zona, CZ. C'est la Nocturne 100% rap français avec Alibi au contrôle de la Nocturne sur Skyrock. Si Fred, si. Donc ça c'est le projet avec des morceaux déjà disponibles, hein, c'est ça. Voilà, là, ça les gens ils peuvent se le procurer tout de suite là sur iTunes. On va aller cliquer, trouver Je suis CZ. Allez-y. Pour compteur à zéro, hein, c'est ça. Voilà, ceux qui n'ont pas vu le clip aussi CZ, tapez Alibi Montana CZ et voilà quoi. Avant de repartir sur le projet, tu voulais nous présenter quelqu'un parce qu'il y a son morceau qui arrive dans un instant là. Donc enfin, le morceau avec toi. Voilà, en fait dans l'ordre il y a le morceau avec Danny Dan et après Danny Dan, celui avec lui. Mais si tu veux on peut le sauter. Bah, non, on va inverser, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va s'écouter la 4 comme Rudy voilà. Est là. Yes. Et le morceau s'appelle Cheval de Troie. Mm. Donc Rudy, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un des chanteurs de Poetic Lover. Exact. Et moi, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup sa vibe. Et je voulais faire un morceau un peu différent. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Et je vais le laisser, Fred, dire quelques mots. Eh ben, j'espère bien. Bah, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être avec vous. Ça fait très plaisir. Bon, toi aussi, ça fait un moment que t'es dans la musique, hein. Ouais. Un petit bout, ouais. Putain, mais les mecs, vous vieillissez pas, comment vous faites, c'est quoi? C'est les Renault, ça. C'est ça, en fait. Merde. Putain. Là, on est des MacLeod, en fait. Je peux plus rien faire là-dessus. Bon, ça va bien, c'est quoi, alors, toi, tes projets? Il y a évidemment le morceau qu'on va écouter là à Alibi, mais il y a des choses aussi en préparation. Moi, je suis sur un EP hip-hop R&B qui arrive là très bientôt. Bah, il faut quand même rappeler, parce que c'est vrai qu'à Alibi, tu disais Poetic Lover. Mais ça remonte quand même à plusieurs années en arrière et ouais. Ça fait partie, si je me plante pas, des premiers groupes R&B ici en France. Hein. Exactement. On a eu la chance d'être les pionniers. Ouais. On était le premier quatuor vocal français. Mmh. Donc voilà, on était dans un autre registre à l'époque, mais on a toujours été des gros fans de hip-hop. On a toujours eu plein de potes dans le hip-hop. Et donc voilà, c'est tout naturellement qu'avec Alibi, on se connaissait de vue depuis plusieurs années. On se croisait, on se saluait. Il y avait un respect. Et puis on a été introduit par Dre Bonny, qui est un membre de mon groupe, qui le connaît un petit peu mieux. Et puis on a collaboré sur ce morceau. Ça a donné un bête et de truc. J'en profite pour passer le big up à Dre Bonny et à DM Dreboni qui prépare aussi un projet et j'ai fait aussi un featuring sur son projet à lui, donc je leur passe le big up. Et ben on salue toute l'équipe justement. Et c'est vrai que toi t'écoutais aussi les Poetic Lovers, Alibi. Bien sûr. Une époque où. Bien sûr. Mmh. Bah à l'école, les filles qui fait Poetic Lovers. C'est vrai. Les chants, tout ça, donc on y a eu à droit. Et puis comme il l'a dit Rudy, on avait l'habitude de se croiser aussi, on se saluait et voilà. Maintenant on a fait un truc ensemble, c'est bien. Yes. Et ben on va pouvoir l'écouter maintenant. Voilà, en Cheval de Troie, dédicace à toutes les femmes, aux hommes aussi, mais. Mais écoute, particulièrement aux nanas. Voilà, Cheval de Troie. Ah non, c'est le morceau avec Danny Dan, ça. Bah, tu vois finalement. J'avais bien fait, on était dans le bon sens. Comment choisir celle qu'il me faut. Le voici avec donc le trois, morceau. Je trouve vraiment des Cheval de Troie. Comment choisir comment choisir celle qu'il me faut. À l'image s'il te plaît. Avec les trois, je trouve vraiment dans la nuit, je fais des cauchemars quand je pense au choix. Je dis je t'aime. Quand je dis je t'aime, je vois les trois. Comment me passer de la douceur de l'une et des caresses de l'autre. La situation est difficile et je sais bien que c'est ma faute. Je me confie à l'une, des fois c'est la deuxième qu'a la réponse. Je me confie à l'autre, des fois c'est la troisième qu'a la réponse. Je me perds dans leur sens seulement, je me comprends, je vais pas te faire un dessin. Je deviens malade, donc faut passer au dossier de la chute de rein. Cinéma avec elle, j'aimerais emmener les trois. Il était une fois, si je pouvais écrire l'histoire comme ça, je les emmènerais partout et je leur donnerais tout. Les trois sont tellement uniques dans leur genre que les trois me rendent fou. Anissa, Tamara, Barbara, j'ai l'embarras du choix et choisir mon paras. Entre dévotion, mascara, apparat, y'en a qu'une seule pour moi. Mal étreint qui troupe en brasse. Jamais osé, jamais voulu oser. Trop indisposé. Mais maintenant c'est ma chance ou ma déchéance. Je dois faire ma vie. J'fuis de la servitude. J'ai qu'une certitude. Il n'y a rien de certain. Vierge ou putain, pas de préavis. Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois. Qu'est-ce que j'ai mal? Je vais leur donner le mini, moi c'est minimum. Première, deuxième, troisième, bref je suis ton homme. Impossible de compter, trop de choses qu'on a partagées. Hamdoulillah, les trois me font trop bien à manger. Les trois méritent la bague, les trois méritent l'or à l'alphaville. Dis-moi d'en prendre qu'une, ce serait trop difficile. Lune de miel, Barcelone, Venise, Miami. Tellement pas bon, mes amis me tirent en quête montagne. Le bruit des talons, je les connais par cœur, je ne suis pas un menteur. Elle déambule dans la chambre et tout cela fait battre mon cœur. Ne me jugez pas, je n'ai pas voulu ça. Comme de la drogue, je peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Anissa, Tamara, Barbara, j'ai l'embarras du choix. Et choisir mon paras. Mon paras. Entre dévotion, mascara, apparat, y'en a qu'une seule pour moi. Mal étreint qui trouve en place. Jamais osé, jamais voulu poser. Trop indisposé. Mais maintenant c'est ma chance ou ma déchéance. Je dois faire ma vie. J'fuis de la servitude. J'ai qu'une certitude. Il n'y a rien de temps. Vers jour, mais t'as pas de préavis. Une fois ma vie est trouble. Faut que l'autre soit clean. Cherche la merde, tu trouves. Un choix c'est comme un verdict. Anissa, Tamara, Barbara, j'ai l'embarras du choix. Et choisir mon paras. Et choisir mon paras. Y'en a qu'une seule pour moi. Mal éteint qui tourne en bas. J'ai jamais voulu poser. J'ai jamais voulu poser. Mais maintenant c'est ma chance ou ma déchéance. Je dois faire ma vie. J'suis la servitude. Certitude, Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois, qu'est-ce que j'ai mal? Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois, qu'est-ce que j'ai mal? 100% rap français, planète. La nocturne. Mon hip hop avec Danny Dan. C'est sur CZ. C'est disponible sur iTunes. qu'est-ce qui fait marcher Danny Dan Alibi. Putain, ma parole, Renoir. Le hip-hop est simplement bon pour mon karma. Le mic en main, je deviens un jeune noir, roi du monde, un Barack Obama. Quand je le maîtrise, le truc est pire qu'une drogue. Vraiment, je décolle, mate moi faire le tour du monde. Nouveau filet à Spock. Et je reviens avec toutes sortes de richesses, de l'or sur le corps, gosse. Mais je suis toujours en répète, la chance rogue sur stroke. Je bosse, brosse, un tableau pour les gars des blocs d'abord. Je vais de ville en ville et dans chaque ville de porte à porte. Le hip-hop, même au sommet, doit représenter les bas-fonds. Old school, new school, là n'est pas la question. La voix du peuple des opprimés, le rêve, l'espoir, la justice. Le droit de vivre mieux, une nouvelle histoire. Avec une basse et un beat, les mecs te pondent un hit. Les frères sortent de prison, font distor. Logique quand la musique est honnête. Transpire la vérité, c'est Daniel Sankara que la couronne est riche. La musique, va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Laisse parler la musique, va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Plus la capuche depuis cette époque. Coup de feu de freestyle tout comme un Glock. Une bagarre dans une soirée hip-hop. Très précis le public ennemi dans le poste. IBM G-Mob dit dans les veines. NWA pour prendre le gain. Tellement d'approches au mon ghetto. Mais pour ton rebeu tout négro. J'écris ma rage de jeune garçon. Les combats Black Tiger, Black Dragon. Push Capon, peinture dans le bomber. Non tagué Walkman, auto-reverse. Danse de combat sur le tempo. À place carré, Châtel et Alro. Chou arabe pendant que t'écoutes. NTM, assassin, I am démocrate. Laisse parler la musique. Va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Laisse parler la musique. Va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Ouais, mon hip-hop est dans mon hip-hop. Il est dans mon âme, dans l'angle du stylo que je tripote. Comme une femme, dans mon split, dans ma démarche, dans mon cuir, dans mes godasses, dans le poste de la voiture de mon pote. Dans mon audace, Danny Dan, a.k.a. Fantomas. Les vrais Renois ne meurent jamais, disait Eazy-E. Alibi l'a bien compris, moi aussi regarde ce que je rate depuis des décennies. Un rêve d'adolescent matérialisé en mélodie. Je grattais des rimes dans le quartier. Radio sur radio, Nova, j'allais rapper. Un truc de Snoop, là c'est Jay-Z. Du bruit sur Tupac et Biggie. Plus je prends de l'âge, plus je rends hommage. Mes numéros de Jordan, je partage. Breaker, graveur, rappeur. Numéro des crews dans le collimateur. Laisse parler la musique. Va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Laisse parler la musique. Va écouter tes classiques. Le hip-hop c'est eux, c'est nous, c'est toi. Le hip-hop authentique. Rap français, planète rap. La nocturne. Hey yo, what's up, homie? Hey yo, what's up, homie? K-Styles, the big guns up avec K-Style. Big up Dirty Land. That's that dirty land. C'est fait. It's billionaire music, homie. Put your guns up, put your money up. Show these motherfuckers how we do that shit. Put your guns up, put your money up. Show these motherfuckers how we do that shit. Click, clap. Click, clap, je parlais pas français, but everything okay. Click, clap, click, clap, je parlais pas français, but everything okay. Plus le temps passe plus maintenant je me tape des barres Le rap des petits bâtards sous moi perdre les arts Je vais leur donner mon cachet, lecture, lecture Leur daronne, daronne, sous la ceinture, ceinture Petit bidon, quand on veut rivaliser le piton Casse ta gueule et te casse le fion Tu n'es qu'un pion alors fais attention, n'essaie pas de faire le con Alibi case, allez vas-y fais péter dans la caisse Donne de l'argent, on ne veut que de l'espèce Ou qui met ses fesses, qui met ses fesses, qui met ses fesses Put your guns up, put your money up Show these motherfuckers how we do that shit Put your guns up Put your money up, show these motherfuckers how we do that shit. Click, clap, click, clap. Je parlais pas français, but everything okay. Click, clap, click, clap. Je parlais if I front say, but everything okay. See me roll by S-Class, Bentley Coupin', Murcielago, got plenty of that. So the kid is a playboy, the kid is a fun toy. Some girls don't like me, I guess it might be. Put your guns up, put your money up, show these motherfuckers how we do that shit. Put your guns up, put your money up, show these motherfuckers how we do that shit. La Nocturne avec Monsieur Alibi Montana au contrôle à l'instant, et ce morceau qui conclut pour l'instant le projet CZ, mais il y aura encore plein d'autres titres à découvrir pour la rentrée. Exactement, c'est pour ça qu'on a retardé le projet. Donc plusieurs clips, comme j'ai dit, Cheval de Troie avec Rudy Joe, Mon Hip Hop avec Danny Dan, aussi des surprises et aussi des nouveaux titres qui vont être enregistrés quoi. Et bah terrible, et là pour conclure cette Nocturne avec Alibi, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Écoute, on est parti pour le live et Rudy il est là, donc Rudy si t'as envie d'envoyer des petites vibes, n'hésite pas. On est là, voilà, il n'y a pas de calcul, donc on se met bien quoi. Et bah c'est parti, et puis on finira d'ailleurs le morceau avec vous deux, on remettra le morceau enfin. Exactement. Pour ceux qui veulent réécouter, il y a beaucoup de réactions, continuez 41759, hashtag Skyrock, la Nocturne, ça arrive dans le studio. C'est. On est parti les frères, @ Alibi Montana 1 sur Twitter, Instagram et Facebook. On est parti avec mon DJ, DJ Sony, Big Up Sony, Big Up toute l'équipe TMPP. On est parti, on se met en mode live. Rudy il est là, donc on se met bien, pas de calcul, mets-toi debout Rudy. Yes. Si, si. On est là sur Skyrock. La Nocturne avec Fred. Allez, Alibi Montana, CZ. CZ, Big Up à toute la Courneuve. Call 93 9192 9394 7577 13. Tous les quartiers de France quoi. Tous les hommes et les femmes qui aiment le hip-hop. On est parti. Hey. Est-ce que tout le monde est chaud, nègre? Alibi Montana est dans la boîte, nègre. Mes gars, mes gros sont open, nègre. Alibi Montana dans la Nocturne, nègre. Est-ce que tout le monde est chaud, nègre? Alibi Montana est dans la boîte, nègre. Mes gars, mes gros sont open, nègre. Alibi Montana est avec Fred, nègre. Nègre, nègre, nègre. T'as ma parole, c'est Z. Ils sont tous à la ramasse. Big up à tous mes gars derrière les barreaux. Suffit pour faire jacter, manipuler la masse. Toi-même, tu le sais. À ce qui paraît, ça suffit. Maman dans la caméra, Depuis 99, tu as présenté 200 feet par an, le game ensanglanté. Le son, daté, l'inconscient cloqué. Teste pas carnité, je suis bien son padré. Tranquillement, on revient faire du sale. À bout portant, on les cas à la châle. J'ai stoppé un retard d'allaité. Les cadeaux que des MC cadavérés. Non, je n'ai jamais rappé pour le trône. Plutôt pour ceux en galère dans la zone. Ceux qui ne parlent que derrière, je les baise. Ne m'appelle pas en dièse, 31 dièse. Pour le hip-hop j'ai tellement donné. J'ai tout niqué avec de l'indé. Le top hip-hop j'ai tellement crossé. Sarkozy voulait me condamner. Ouh, je laisse parler les langues de pute. Je laisse parler les fils de pute. Car les vrais me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent. Hey, j'ai un à mes côtés. Rudy Joe, t'as ma parole. La Nocturne de Fred. Alibi Montana. Ils sont tous à la ramasse. Tu sais bien. C'est... T'as ma parole, je vais tous les baiser. Leur rouler dessus en 4x4 les écraser. AK-47 dans leur mer. Mes premiers couplets d'un pas d'hier. Graine des macabres dans le froco. Boucherie tuerie, le tout nouveau flow. J'avais du buzz avant like et tweet. Demande à ta mère et suce la bite. Y'a la fin des la calage, négro. Y'a chine toujours ghetto, négro. Combien de fois j'ai posé dans leur putain d'album pour épauler ces putains de chiens. Qu'ils me regardent dans les yeux et disent devant tout le monde que je n'ai pas aidé ces putains. End out, bouge café, j'en ai tellement aidé, je peux pas tous les compter. J'ai fait le travail d'une ONG. Ferme ta gueule et vais t'en couler. Le rap en pâte, je l'ai tellement réparé. Water, j'ai pu déjà paraît. J'étais la menace et le record. Ils se faisaient des bites quand j'étais hardcore. Ceux qui ont eu de la promotion n'est même pas. 9 mm qui te s'effloutera. Ils ont de la rancune, j'sais même pas pourquoi. Ils sont tapinés comme des putes dans les bois. J'parlais hip-hop comme un crève la dalle. Sans voir le piège de ces grosses pédales. Zozo vacabond dans leur trou de balle. Il leur faut calager hôpital. Tizet. Oui, envoie-moi une petite vibe, s'il te plaît. Pas beaucoup de temps pour ce t'es dans la nocturne avec Alibé Montana. Nocturne spécial CZ. Du coup, pas tout mon ghetto. Tous les hommes, tous les femmes qui aiment le hip-hop. Tous les départements. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7, 7-8, 13. Alibé Montana, le rappeur du peuple. CZ. Rien que ça parle. Rien que ça enquête. Je les ai sur le dos. Comme les keufs. Quand je vais signer mon contrôle judiciaire. Toi-même tu sais. Hey. Tu veux parler de mes jeffs? Vieux dans le 93. Boycotté comme un LK. CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe. Palais de justice. Contrôle judiciaire. Depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes jeffs? Vieux dans le 93. Boycotté comme un LK. CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Coup de tête Zidane, Materazzi, maintenant jugez ma vie. Que des rumeurs dans tout Paris, j'atterris, pareil qu'on m'a fait du troll. Si tu j'apprends en le vrai, quand je vois tes messages, je te réponds lol. Pas de placard pour le rap, si je vais au ballon, c'est pour la MIFA. V-A-N-T-M, va niquer ta mère en TN, tu comprendras. J'ai fait des fautes comme tout homme, parce que j'ai des failles. J'ai grandi dans la cité, donc j'ai mon BEP de racaille. Eh, je me suis fait tout seul, élevé tout seul, dans ta quête la gueule. Si t'es parti au placard, t'as dû écouter l'un de mes singles. Ce que je fais touche des gens, je m'en rendais pas assez compte. Bigrave, travail, terre, celui qui pousse la fonte. Il faut qu'à lâcher, parce que attaquer, on se connaît nous. Laisse-les faire du cri, tous ces fils de petits vont faire wailou. Laisse-les faire du cri, tous ces fils de petits vont faire wailou. Tu veux parler de mes jeffs, viens dans le 93. Boycotté comme un LK, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes jeffs, viens dans le 93. Boycotté comme un LK, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. C'est vrai que la signature m'avait rendu moins tard. L'enconnerie de photos de restart, tous ces trucs de bâtard. Pour te dire la vérité, y'a pas beaucoup de trab. Donc on a changé l'équipe, baisse tous les incapables. L'un de mes gars a déconné et je prends toujours moi. C'est le mec tout, mais le numéro 1, telle est ma vida. La réalité peut paralyser, faire crier m'aider. Qu'à tes ennemis près de toi, tes amis font savoir analyser. Que Dieu me laisse toujours garder la roue de mon cœur. Toujours avancer sans avoir peur de l'erreur. J'ai perdu tellement des miens que j'ai le flow qui pleure. Tellement de cadavres, le cimetière est dans mon sang, pleure. Oui, tu veux parler de mes jeffs, viens dans le 93. CZ, boycotté comme un LK, CZ, je suis CZ. Alibi, contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes jeffs, viens dans le 93. Boycotté comme un LK, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans. CZ, le projet il est là, retardé, mais c'est déjà disponible. CZ, je suis CZ. Cheval de Troie, va pêcher ça sur iTunes. Tape à Alibi Montana, CZ. CZ. Et ben voilà, cette nocturne à l'instant qui s'achève avec Alibi Montana. Merci Alibi. Merci à toi Fred, c'est toujours un plaisir. Et bah pareil, donc on retient bien le projet CZ. On peut déjà précommander, enfin télécharger déjà des morceaux. Hein. Voilà, on peut se procurer CZ, Je suis CZ, Cheval de Troie avec Rudy Joe, Mon Hip Hop avec Danny Dan. Et c'est retardé pour la bonne cause, c'est juste pour vous donner les clips. Suivez l'actualité, tapez Alibi Montana sur internet, Twitter Alibi Montana 1, Instagram pareil Alibi Montana 1 et Facebook Alibi Montana. Et bah merci d'avoir été avec nous, merci à Rudy qui était là, merci au DJ, à toute l'équipe. Merci beaucoup Fred, et puis je vais offrir le morceau Cheval de Troie ouais. à tout le monde tranquillement au calme, le temps qu'ils aient le temps de le prendre. S'ils ont une meuf à côté d'eux, mettez la meuf. Bah c'est l'heure. Hein. Si les meufs sont toutes seules, écoutez. Si les hommes sont tout seuls en attendant leur femme, écoutez, c'est pour vous. Merci Alibi, merci à vous tous pour cette nocturne 100% rap français qui reviendra dans une semaine. Ciao. Ciao. Comment choisir, comment Alibi. Choisir celle qu'il me faut. Avec les trois, je trouve vraiment zéro défaut. Comment choisir, comment choisir celle qu'il me faut. Avec les trois, je trouve vraiment zéro défaut. Dans la nuit, j'ai des cauchemars quand je pense au choix. Je dis je t'aime, quand je dis je t'aime, je vois les trois. Comment me passer de la douceur de l'une et des caresses de l'autre. La situation est difficile et je sais bien que c'est ma faute. Je me confie à l'une, des fois c'est la deuxième qu'a la réponse. Je me confie à l'autre, des fois c'est la troisième qu'a la réponse. Je me perds dans leur sens seulement, je me comprends, je vais pas te faire un dessin. Je deviens malade quand faut passer au dossier de la chute de rein. Cinéma avec elle, j'aimerais emmener les trois. Il était une fois si je pouvais écrire l'histoire comme ça. Je les emmènerais partout et je leur donnerais tout. Les trois sont tellement uniques dans leur genre que les trois me rendent fou. Anissa, Tamara, Barbara, j'ai l'embarras du choix et choisir m'embarrasse. Entre dévotion, mascara, apparat, y en a qu'une seule pour moi. Mal éteint qui trop embrasse. J'ai jamais osé, jamais voulu oser. Trop indisposé, mais maintenant c'est ma chance. Sous ma déchéance, je dois faire ma vie. J'fuis la servitude, j'ai qu'une certitude. C'est qu'il n'y a rien de certain, car Jupiter m'a donné la vie. Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois, qu'est-ce que j'ai mal. Je vais leur donner le mini, moi c'est minimum. Première, deuxième, troisième, d'un Dieu, je suis ton homme. Impossible de compter, trop de choses qu'on a partagées. Mdoulilah, les trois me font trop bien à manger. Les trois méritent la bague, les trois méritent l'or à l'alphaville. Dis-moi d'emprunter qu'une, ce serait trop difficile. Lune de miel, Barcelone, Venise, Miami. Tellement pas haut, mes amis me diront qu'est-ce qu'on t'a mis. Le bruit des talons, je les connais par cœur, je ne suis pas un menteur. Pas un menteur. Elle déambule dans la chambre et tout cela fait battre mon cœur. Ne me jugez pas, je n'ai pas voulu ça. Comme de la drogue, je peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Anissa, Tamara, Barbara, j'ai l'embarras du choix et choisir m'embarrasse. Entre dévotion, mascara, apparat, y'en a qu'une seule pour moi. Mal éteint qui trop encore. J'ai jamais osé, jamais voulu poser. Trop indisposé, mais maintenant c'est ma chance. Sous ma déchéance, je dois faire ma vie. J'fuis de la servitude, j'ai qu'une certitude. C'est qu'il n'y a rien de certain, car Jupiter m'a donné la vie. Une fois ma vie est trouble, faut que l'autre soit clean. Cherche la mer du trouble, verre de verre. Un choix merdique. Et choisir m'embarrasse. Entre dévotion, mascara, apparat, y'en a qu'une seule pour moi. Mal éteint qui trop embrasse. J'ai jamais osé, jamais voulu oser. Trop indisposé, mais maintenant c'est ma chance. Sous ma déchéance, je dois faire ma vie. J'fuis de la servitude, j'ai qu'une certitude. C'est qu'il n'y a rien de temps, car Jupiter n'a pas de préavis. Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois, qu'est-ce que j'ai mal. Seigneur, pardonnez-moi, je sais que c'est mal. Mon cœur est partagé en trois, qu'est-ce que j'ai mal. Du rap et du R&B. Non-stop.